depuis ta venue, j'ai changé. À la Bonnie and Clyde, t'es validé. T'as tapé dans le mythe de mon cœur. Je finis la vie d'avec toi. Suis-moi, tu verras. Ça deviendra illégal. Toi et moi, en bagaille. Aie confiance, je suis là pour toi. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu. Il a fallu me prouver ton amour. T'as dit des ex en pète. Sinon je m'en charge de ton tas de bitches. On fait le combo, je trouvais la recette. Mariage enfant, je crois que c'est le concept. T'as dit des ex en pète. Sinon je m'en charge de ton tas de bitches. Ah oui, ah oui, la dot. Bébé de un gosse. Fun Radio, nous sommes en direct avec vous et bien jusqu'à 22h, c'est Marion and Soul Night Show. Bon bah c'est vrai que je suis amputée de ma moitié quoi. Bah oui. Qu'est-ce qui a été foutu de nous choper une gastro dans la journée aussi cette fille quand même. Donc Marion nous a quitté comme ça pouf pouf en pleine émission et que je me sens pas bien et que je enfin elle est là avec nous au téléphone donc je vais arrêter de la critiquer. comment ça va mon babou? Bah pas des masses hein. Alors déjà je vous ai écouté, c'était très sympa hein. Franchement c'était énorme. Non mais tu sais, je vous ai quitté il y a quoi, il y a une heure et là en fait je suis arrivée chez moi et je me suis écroulée sur mon lit et j'ai même pas la force d'enlever mon manteau. Donc je suis toujours en chaussures et manteau sur mon lit. Oui, Mais non mais attends, non Marion là tu vas attraper froid, tu me quittes ce manteau. Non tout mais ce qu'il faut savoir avec Marion c'est que avant d'avoir une gastro elle a aussi une flémingite aiguë donc. Non mais quand même, non mais tu peux comprendre quand t'es faible comme ça. Non je comprends bien. Ah ouais, j'arrive pas à bouger, j'arrive pas, ça me paraît insurmontable d'aller jusqu'à la salle des gens. Est-ce que tu veux que je passe te voir du coup après comme on est voisins? Je t'amène des médocs, je te déshabille, je t'enlève tes chaussures. Non, ça fait pas chier, non. Non, mais je passe. Écoute, je passe vraiment. Il y a autre chose. Vous me rappelez quand même que hier j'avais évoqué cette pénurie de papier toilette concernant. Ah merde, et t'as pas fait le plein là? Bah non, et si on est sur une gastro, tant mieux, j'ai pas fait le plein. Bah écoute, a priori t'as déjà essayé qu'une chaussette, donc j'ai pas t'as un super stock. Ou t'as des draps? Ouais, je sais pas comment je vais faire. Je vais vous dire un truc. Il y a un truc qui pourrait me remonter le moral. Vous savez, c'est quoi ou pas? Non. Dis-nous. Ce serait que vous me rechantiez la petite chanson du plan cul. Bon, ok, allez. Alors toi, tu nous fous dans la merde. Je prends la partie de Marion parce qu'elle est voilà. Ouais, bien sûr. Okay, c'est vrai que tout à l'heure, si vous nous rejoignez maintenant sur Fun Radio, nous avons eu Alexis. Alexis était triste parce que son plan cul l'a quitté, lui était tombé amoureux. Et nous lui avons dit, Alexis, il y a des choses et des règles à respecter dans un plan cul. Bien sûr. En chanson, attention, 3, 4. Alexis, voici les règles pour un plan cul réussi. Pas de surnom à la con, pas de bébé, pas de chérie. Pas de gratouille, pas de papouille, à part si c'est sur mes... Alexis, pas de conneries, pas de plan cul avec tes potes. Protège-toi aussi avec une capote. Et Alexis, s'il y a une seule règle que tu dois vraiment retenir pour avoir un joli plan cul réussi, c'est de ne jamais, mais alors jamais, faire ça avec un tueur en série. Qui Georges Émile Louis fournirait le landais? Et fais gaffe à tes fesses, y'a encore de l'igonesse. Qui Georges Émile Louis fournirait le landais? Et fais gaffe à tes fesses, y'a encore de l'igonesse. Et là, tu vois, ah, là, là. C'était un encore concert. Une fois, Concert prévu que pour toi et Amir, le producteur d'émission, est en train de chialer du sang. Il saigne des oreilles, il saigne du nez. Elle est cool. On n'a rien dit. Bon, et ben écoute, tu sais quoi, je vais l'avoir en tête toute la nuit. Merci beaucoup. Bah, de rien. Tu sais quoi, ce sera ton remède. On t'embrasse, Marion. Et puis, on se retrouve dimanche avec nous, hein. Ah oui, je serai là en forme, il n'y a pas de souci. Bon week-end. Allez, bisous. Bisous. Et puis à tout bisous moment, si elle a besoin, elle peut appeler Love in Fun pour avoir une consulte avec Doc. Hein. Mais bien sûr, oui. Oh non. Le mec super emballé. Qu'est-ce que ça pour peut être gastro. Elle a eu un peu mal au ventre, elle a vomi toute la journée. C'est quoi? C'est une gastro, hein? Oui, oui, avec que le versant gastro, il n'y a, pas le reste. Ouais, non, il n'y a que côté... Pas de diarrhée, pas de diarrhée. Pour l'instant, ouais. Bon, ça va vous les gars? Bah ouais, j'ai assisté à votre chanson, je viens d'assister à la tête du producteur qui actuellement envoie des SMS pour s'excuser. Non, ouais. Il vient d'attraper une belle gastro, lui aussi. Mais elle est bien. Elle est entraînante. Elle est cool. Elle est entraînante. Oh, ouais, je me suis surprise à claquer des doigts. C'était sûr. Bon, allez, on vous laisse les chatons en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. Nous, on sera de retour dimanche. C'est le week-end qui démarre pour nous. Ouais. On sera de retour dès 20h. Et bon, chez vous, Marion et Anso sur les réseaux sociaux. On vous embrasse très fort. Au revoir. Tous les soirs, plus de liberté. Love in Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Love in Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Love in Fun. De 22h à minuit. Avec Karel, Alice et Doc Pavageau. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, soyez tous les bienvenus sur Fun Radio. Ah, très heureux d'être avec vous, on est jeudi soir, en même temps on a l'excitation du jeudi soir, forcément. On va démarrer le week-end ce soir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Vous allez pouvoir vous détendre là pendant 2 heures avec toute l'équipe de Love in Fun au 01 42 48 5000. Alors ça c'est le numéro de téléphone qui est gratuit, hein. Je le rappelle toujours, hein, si vous voulez nous appeler, c'est gratuitement que vous le faites tous les soirs, 01 42 48 5000. Je le rappelle aussi que c'est une émission ici tous les soirs très différente, hein, puisque on est là pour vous écouter, pour vous aider, pour vous conseiller et pour délirer aussi forcément avec vous. Vous allez pouvoir aussi réagir sur les réseaux sociaux, le Facebook, l'Instagram. Alice sera connectée, bien sûr. Tout va bien, Alice? Oui, tout va bien, très bien. Ça va? J'ai l'impression qu'on était dans une petite installation là de ton côté. Écoute, en fait, je te voyais parler et j'entendais le son en décalage. Donc je me suis dit, merde, il y a quand même un problème. Mais là, c'est bon, Kassim, le reproducteur, m'a fortement aidé. Voilà, c'est le seul moment où Kassim va servir à quelque chose aujourd'hui. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Merci, Kassim. Dans l'émission, on a également un médecin. Il est sexologue. On apprend tous les jours sur lui. Nous distille des petits secrets. Non, c'est vrai, t'es assez... c'est normal aussi en même temps, mais t'es assez discret sur ta vie privée. Toujours, ça fait partie du métier de médecin. Il veut pas nous faire rien peur. Bien sûr, c'est le secret. Rien qui transparaît. Bien sûr, on n'est pas là pour ça. C'est-à-dire que si moi, par exemple, parce que, non, en fait, j'ai un ami à moi qui a des problèmes le en ce moment. Le fameux pote. Et si je te parle de mon ami, ce sera du secret professionnel. Bien sûr. Ah bon, je vais te parler de mon ami bientôt. voilà, mais ça sert d'avoir un médecin dans l'équipe. Ça sert aussi d'avoir un reproducteur dans l'équipe tous les soirs. Kassim, c'est la finesse, c'est l'élégance. Ah oui. Le gentleman farmer. Je vous ai raconté hier soir, ou pas, non, j'ai niqué ma meuf, je l'ai prise en leuleu, elle a pété. Du coup, je vais lécher le fion. Mais n'importe quoi. C'est la fin, le mec va trop loin. T'sais. Même lui, il s'est dit, mais qu'est-ce que je raconte, quoi. Franchement, voilà. C'est trop. Kassim, c'est trop. Alors, je suis désolée, il y a un moment... Ouais, voilà. Si vous trouvez Kassim en fait trop... Intervention, hein, tu sais, on a l'impression d'un... Tu sais, une plus belle la vie, tu sais. Ouais, c'est quand, trop. Quand c'est mal joué, Kassim. Ah ouais. Tu surjoues ton personnage, Kassim. Pas du tout. Pas du tout, non. C'est vrai, il est vraiment comme ça dans la vie. C'est un bûcheron. S'il y a bien un truc qu'on essaie, voilà, à peu près, d'être au top, c'est... sur notre façon d'être, hein. On ne joue pas de rôle, on est comme ça dans la vie. Donc soit vous nous aimez, soit vous nous détestez, mais on ne changera pas puisque c'est nous. On peut pas. Coco et Méloche standard. Attention, le drame ce soir, je ne suis pas content. Voilà. Je ne suis pas content. Je suis allé voir Coco, je lui ai demandé: est-ce que tu as fait ton zap de Coco ce soir? Ah oui, putain, Coco. La boulette. Ah, j'ai merdé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a Rennes et je dois m'occuper de tout Rennes. Il y a Rennes. Excuse. C'est lundi, que... Rennes. Oui, mais c'est parce qu'en ce moment, j'apprends la recette du Kouign-Amann. Je suis un peu bloqué en truc. Mais quel... Je rappelle que lundi, effectivement, nous serons à Rennes pour le Christmas Tour. Il reste encore de la place. Même si on a plu, il y en a encore. Hein. Ah, j'espère qu'il va neiger. Revenez. On pourra se faire des... des batailles de boules de neige. Waouh. Et j'annonce c'est exceptionnel, on va offrir un iPad Pro là-bas. Oh là là là. Ça va déchirer, franchement, si vous voulez assister. Ah, Doc, il est sur le cul. Comment ça, j'en ai même pas un chez moi, non, on va l'offrir. C'est ça. Bah alors, l'iPad Pro a gagné à Rennes, si vous voulez faire partie du public, puisque on sera en live depuis le Meltdown, c'est un bar de gaming justement à Rennes. Si vous voulez assister à l'émission, il suffit de nous appeler là dès maintenant au standard 01 42 48 5000. On se fera aussi une nouvelle battle avec 100 euros de bons d'achat à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. On va vous régaler. Nouvelle battle ce soir, on se fera des petits quiz. Pareil, hein, même numéro de téléphone pour vous sélectionner. Et nous allons accueillir Louis. Louis, 22 ans de Paris dans le Vinfun. Bonsoir Louis. Bonjour la famille, comment ça va? Salut. Bienvenue sur Fun Radio dans la famille Love in Fun. Louis, toi tu nous appelles pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ce soir? Bien écoutez, j'ai un petit problème. Je me suis inscrit sur un site de rencontre. Oui. Je vais pas dire le nom, comme ça on va éviter les problèmes. D'accord. Mais du coup j'ai matché avec une fille. Oui, donc c'est Tinder, hein. On aura compris. J'ai matché. Oui. Je veux pas dire, mais j'ai matché. Alors c'est Tinder, oui. Donc t'as été sur Tinder, t'as matché toi. Oui, t'as l'air étonné. Non. Mais voilà, t'as mis une photo de toi et t'as eu un match. Ouais, du coup j'ai eu un match et du coup j'ai parlé pendant 3 mois avec la fille, on a échangé nos numéros, on a échangé nos réseaux sociaux, Instagram, tout ça. Ouais. Et du coup là hier on s'est vu. Donc, attends. Au bout de 3 mois, vous échangez plein de messages. C'est long. Vous avez jamais envoyé des petites photos, des trucs comme ça, vous étiez jamais vu. Non, on s'était jamais vu. Attends, mais c'est fou ça, en 3 mois même pas une petite photo. Si, t'avais forcément les photos de Tinder, quoi. Bah oui, c'est ça. Ouais, donc tu j'avais savais quand même. J'avais Tinder et j'avais Instagram, quoi. D'accord. Ah bah okay. Oui, il y a des photos. Tu l'as vu, alors. Mais rien de hot. Oui, j'ai vu. Non, rien de hot. D'accord. Ah ouais, ça sert à rien, alors. Dommage. Trois mois sans... Tranquille, quoi. Tranquille. Même pas une petite photo de boobs, que dalle. C'est pas fini. Ah, ok. Et du coup, hier on s'est vu, on a parlé, on s'est fait un resto et tout. Du coup, ça, le feeling passe bien et tout, on parle tout le temps. Enfin, tu sais, ça se passe très bien en fait. Ok. Et du coup, on a fini le repas. Elle me dit, ouais, est-ce que tu veux venir chez moi? Du coup, moi je dis, bah oui, pourquoi pas. Enfin, j'étais chaud, le feeling passait bien, donc pourquoi pas. T'avais une idée derrière la tête ou pas quand tu la ramènes chez peu, toi? Mais on va pas se le cacher, mais bon. Est-ce que juste t'avais des capotes quelque part? Oui. Ouais, quand on prévoit les capotes, c'est qu'on a une idée derrière la tête. Et quand une fille s'épile, c'est qu'elle a une idée derrière la tête. Ah, hein, ouais. Il y a deux règles comme ça, immuables. J'ai pas pu voir si elle était épilée parce que, attends. Ah, ouais. C'est passé quoi? Il fait peur avec son histoire, là. Du coup, on arrive chez elle, on se pose, on parle et tout, sauf que j'avais envie d'aller aux chiottes. Du coup, je lui demande, elle me dit, oui, c'est par là, machin. Et donc, je me dirige vers les chiottes. Sauf que, manque de peau, je me trempe de porte, je tombe dans sa chambre, et qu'est-ce qu'il y a dans sa chambre? Mes photos Instagram imprimées sur le mur. Ah ouais, putain, une vraie kiffe, fan. Quoi. Elle kiffe. Ah non, mais attends, mais genre, il y avait beaucoup de photos, quoi, parce que ça fait un peu psychopathe. Il y en avait une dizaine, quand même. Dizaine de photos de toi. Ouais. Bah, en même temps, voilà, elle te kiffait, ça faisait 3 mois. Et... Ouais, enfin, ah, mais c'est chaud, là. Il y avait des bougies, une croix satanique, un truc. Une poupée avec des aiguilles. C'est ça. Ouais. Non, un bout de tes cheveux. Mais du coup, moi, je me suis cassé direct, j'ai inventé une disquette, parce que moi, j'ai flippé de fou, tu sais, genre, une meuf qui, bon, je lui parle depuis 3 mois, certes, mais enfin, elle a quand même des photos imprimées de moi. Du coup, je sais plus quoi faire si, enfin, genre, du coup, comme j'ai vécu ça, j'ai plus trop envie de faire de rencontres sur les sites de rencontres. Ah, donc c'était l'angoisse, alors. Putain, c'est fou, ça. Oui, ça m'a fait trop peur, genre. Et t'es parti comme ça, sans rien dire, chut. Non, j'ai fait semblant qu'un pote m'appelait. Ah, d'accord. Elle t'a dit quoi quand tu lui as dit, mais pourquoi t'as des posters de moi? Je lui ai même pas dit, en fait. Oui. Je lui ai juste dit, je suis désolé, j'ai un pote qui vient m'appeler, il a besoin de moi en urgence, du coup, je dois y aller. Ah, t'as menti. Mais tu sais, moi aussi, j'ai des photos d'Alice dans ma chambre. J'en ai plein et tout. Et t'en fais quoi? J'en fais rien, je les regarde de temps en temps. Mais tu les regardes en faisant quoi? Ça me donne le moral pour attaquer ma journée et tout. Je me dis, cette journée, elle est pour toi, bébé. Tu arrêtes ça tout de suite. J'arrête. Non, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu flippant. Bien sûr, quand même. On est sur du serial killer, peut-être. Non, c'est vrai. Pas complètement normal. Après, c'est vrai qu'elle a peut-être un esprit très fan. Tu vois, y a des gens qui sont très très fans des autres. Ouais, c'est flippant. Voilà. T'as regardé son congélateur? Non, mais on sait jamais aussi. Et les photos, il y avait que toi, tout simplement, toutes les photos d'Instagram. Il y avait rien de particulier. Non, ouais, il y avait juste les photos. Enfin, j'ai vu les photos et j'ai pas réfléchi en fait. Ouais. Je suis sorti de la chambre directe. T'as dû être dégoûté. Ça fait 3 mois que t'es à fond sur la fille. Surtout que le pire, c'est que, enfin, elle était mignonne. Donc ça m'a fait chier, quoi. Genre. Et le feeling est bon quand même. Tu l'as dit. Bah oui, mais bon. Est-ce que tu te sens de lui en parler, par exemple? Peut-être que tu peux la reprendre au téléphone, discuter, et dire oh, écoute, je sais pas. Oui. Ça fait plusieurs fois qu'elle m'appelle, mais du coup, j'ose pas répondre. Attends, enfin, genre, je sais pas. Ça va, c'est pas une sorcière. Hein. Oui, non plus, tu vois. Bon, tu peux demander lui une explication, peut-être, en disant ah, tiens, bon, je me suis trompé de porte, je suis tombé dans ta chambre, et puis j'ai vu tes photos de moi, c'est un peu bizarre. Voilà, au moins, t'auras une explication. Bah oui, carrément. Toi, Kassim, t'aurais fait quoi si t'avais vu des photos de toi comme ça? Bah moi, je l'aurais prise en levrette et je lui aurais signé des autographes. Sur son cul. Exactement. Bien sûr. Ça fait plaisir. Louis, tu sais quoi? Je suis persuadé que t'es pas le seul à avoir déjà vécu comme ça des moments de solitude. C'est-à-dire que tu rencontres pour la première fois quelqu'un que t'as juste vu en photo. Ça peut être sur des sites de rencontres, ça peut être sur Tinder, sur Instagram. Et est-ce que, justement, ça vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un, par exemple, qui ne ressemblait absolument pas du tout à la photo? Hein, vous attendiez à voir Michael, 23 ans, et vous êtes tombé sur Francis, 67 ans. Hein, est-ce que, ou Michel? Ah bah oui, Michel, son tonton. Alors, n'hésitez pas, 01 42 48 5000, on va parler des mauvaises expériences de sites de rencontres. Louis, tu vas rester avec nous, d'accord, mon poteau? Ouais. Et fais attention quand même, ferme bien ta porte à double tour. T'inquiète pas, là j'ai mis cadenas à tout. Ça c'est bon, restez bien avec nous. Dans un instant, on en parle avec vous tous, vous toutes. Le 01 42 48 5000 pour réagir. Et le tube de Criss Cross Amsterdam sur Fun Radio, à tout de suite. Suivez Love in Fun en stream vidéo sur funradio.fr. Le calendrier de l'Avent est de retour sur Fun Radio. Tous les jours, inscrivez-vous en envoyant le mot Noël par SMS au 74 900 pour tenter de gagner des PS4, des séjours à Avoria 1800 pour le réveillon, des Nintendo Switch, 6 mois de repas livrés par Just Eat et plein d'autres surprises. C'est gagné, bravo! C'est déjà Noël. Merry Christmas! Avec le calendrier de l'Avent Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait Orange 50 Go, je révise mes chants de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait Orange 50 Go à 9,99€, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50 Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Hein. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50 Go pour client pack Open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019. 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois. Conditions sur orange.fr. Fun Radio et W9 présentent les princes et les princesses de l'amour. Trois princesses et trois princes encore célibataires vont tenter de trouver l'âme sœur. Cette année, grande nouveauté, une agence sur mesure va les aider dans leur quête de l'amour et les pousser dans leur retranchement. Même si je sais pas encore ce que je veux, je sais en tout cas ce que je veux pas. Ils pensaient tout connaître d'eux-mêmes et de l'amour. L'expérience va les transformer à tout jamais. Les princes et les princesses de l'amour, du lundi au vendredi à 18h50 sur W9. Restez connectés avec la famille Fun Radio. Are you drunk enough now to judge what I'm doing? Are you high enough to skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love. So tease me. Ooh. I made no promise. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I make no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I'm giving up, energy's taking control. I'm speeding up, my heart beats dancing alone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. You everything tonight. 'Cause indeed, you're green and light. Day and night, say the truth, man, 'cause indeed. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. Loving Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Et je vous annonce que ce soir, nous allons faire une battle exceptionnelle. Ah oui. Exceptionnelle. D'abord, le cadeau. Qui dit battle dit cadeau. 100 euros de bons d'achat, de chèques cadeaux à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Et ce soir, une battle de deux auditeurs qui vont s'affronter sur un quiz Love in Fun. Vous aurez carrément le choix entre trois catégories. Vous choisirez votre catégorie et celui qui marquera le plus de points gagnera justement les 100 euros de bons d'achat à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Ce sont des questions qui ont été écrites et réalisées par Alice. Parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ah, mais maintenant, si c'est de la merde. Voilà. Donc, si jamais vous trouvez que la battle est nulle ce soir, c'est Alice. Ce sera de la faute d'Alice. Insultez-moi. Voilà, n'hésitez pas. 01 42 48 5000, appelez-nous pour se marrer là tout à l'heure en direct sur Fun Radio. On continue de parler des mauvaises rencontres. Enfin, quand je dis des mauvaises rencontres, c'est-à-dire vous avez matché avec quelqu'un, par exemple sur Tinder, vous avez voilà, discuté sur Facebook en message privé avec quelqu'un, et puis voilà, tu papillonnes quoi, t'écris et tout, ouais, vas-y, t'es trop mignonne et tout, j'aimerais bien te voir, machin. Et puis il y a le jour où tu rencontres la personne. Et là, c'est le drame. C'est la mauvaise expérience du site de rencontre. Quelqu'un, par exemple, qui ressemble pas du tout à la photo. Hein, c'est vrai que les photos Instagram peuvent être trompeuses. Avec 5 filtres Instagram, tu ressembles forcément à un mannequin. Hein, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends, Alice, elle a pas besoin de filtres Instagram. J'en mets quand même. Ah bah oui, non, mais, non, mais tout le monde met des filtres Instagram. Souvent. Bah, non, c'est plus beau. C'est vrai que souvent, c'est surtout, moi, je trouve au niveau des boutons. Ah, parce que moi, j'ai déjà vu des filles et tout sur Instagram, genre, mais même des mais des ça, chanteuses. C'est encore autre chose, c'est pas les filtres Instagram, quoi. Parce que pour gommer des boutons, enfin, t'as aucun filtre Instagram qui te gomme des boutons, si, quoi. Si, il y a le filtre bouton. Mais n'importe quoi. Ah, si, c'est le troisième filtre en partant de la gauche. je le connais par cœur, je l'utilise. Hein? Donc, on va accueillir Adrien. Il a 21 ans, il est de Pau. Bonsoir, Adrien. Bonsoir, l'équipe. Bonsoir, salut. T'as Instagram, Adrien? Honnêtement, je viens de m'y mettre. Tu viens de t'y mettre. Bon, bah, sache qu'il y a le filtre bouton. N'importe quoi. C'est bon à savoir. Ah, Adrien, tu vas souvent sur les sites comme ça de rencontres, les applications On va dire que j'étais un peu dégoûté, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, Adrien? Eh ben, on va dire que ça avait matché avec quelqu'un. Et que, une fameuse Mélissa. Et puis, on a discuté pendant une semaine sur Tinder. Ouais. Puis après, on s'est donné nos snaps. Ok, donc d'abord vous commencez sur Tinder, après vous faites un petit échange de snaps pour commencer à envoyer des photos un peu olé olé. T'as tout compris. Ah bah forcément. Souvent ça rassure d'ailleurs, hein. Comme ça tu sais que la photo elle va se perdre un peu dans la nature, sauf qu'il existe l'application Snapshot, hein, qui prend des petits screens, hein, je vous le dis comme ça. Oui, bien sûr. Et Méloche, elle débarque. C'est pas Méloche. Non, mais parce que je reçois souvent des photos de top, donc du coup, comme ça, je peux les screener, tu vois. Non, mais alors, quand on voit un snap, par exemple, si tu fais un petit imprimé écran, un screenshot, la personne va voir que t'as fait un screenshot. Bah oui. Mais il y a des applications qui te permettent que ça ne se voit pas. D'accord. Enfin, je suis le seul à l'utiliser ou quoi? Non. Okay. Enfin, moi, je l'utilise pas, mais je la connais, quoi. Adrien, raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé alors? Ben voilà, on s'envoyait des photos et mais sans, comment t'expliquer, sans les détails. Sans les détails. T'es pas clair, Adrien. On voyait pas la tête, quoi. D'accord. Déjà. Ah ouais, c'est ça. Déjà, on voyait pas la tête. Ah bah oui. Et de deux, c'était un sous-vêtement. D'accord. Okay. Donc toi, t'envoyais une photo de ton calbut, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Waouh, super excitant pour les filles. C'est ce qu'elle me demandait. Ah d'accord. Elle disait, vas-y, envoie-moi une photo de ton caleçon. Voilà. Et toi, tu demandais quoi en échange? Ben après, il faut pas être salaud, donc je demandais un peu la même chose, quoi. D'accord, ok. Donc photo, petite culotte, quoi. Voilà. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Puis on s'est dit bon, autant aller boire un verre, tu sais, petit à petit, autant faire connaissance en vrai, quoi. Ok. Donc on se donne rendez-vous dans un bar, et puis. Elle était arrivée avant moi, donc elle m'avait dit, t'es sur telle table et tout, tu sais, par message sur Snap. Et quand je suis arrivé, je me dis, ça ressemble pas du tout, quoi. Donc j'ai fait la bise, mais bon, comment te dire que une fille qui a déjà une pomme d'Adam, voilà, quoi. Ah, donc c'était Robert. C'était un homme. Oui, c'était plutôt Anthony que Mélissa, quoi. D'accord. Ah, d'où la petite culotte. Ok. Putain, enfin, comment tu réagis pour le coup? Tu te retrouves avec Robert plutôt que Mélissa? Je l'ai branlé. Pas dans le bar, Cassie. Surtout, on va dire Robert a bien un fille. Ah oui, donc oui. Transsexuel. D'accord. Ou travesti. Ah. Oui. Donc, dans ces cas-là, on est un peu choqués, quoi. D'accord. On ne sait pas trop comment réagir. Ouais, et tu réagis comment justement, Adrien? Parce que là, tu prends le temps de nous raconter. Tu ne pars en courant. D'accord. Donc, tu es parti et tu n'as plus jamais eu de nouvelles. J'ai même pas pris un verre. Hein. Ah ouais, je comprends. Franchement, tu dois être choqué. Et tu t'étais branlé sur les photos de Robert auparavant? Non. Menteur! Ouais, c'est menteur! Ça. C'est ça! Mais bien sûr! Mais il ressemblait pas du tout aux photos, en tout cas. Ah ouais, non. Voilà, c'est pour ça. C'est une petite culotte, quoi. On va accueillir Cyril, 26 ans de Maubeuge aussi, qui veut réagir. Salut Cyril! Salut tout le monde, comment ça va? Bah, ça va bien, Cyril. T'as entendu le témoignage d'Adrien, hein, troublant, pour ça, avoir rendez-vous avec Mélissa. Oui, j'ai entendu, à mon avis, c'est touché quand même. Non, mais bien sûr qu'il s'est touché. On est tous d'accord. Bah, attends, tu reçois une photo comme ça. Mais bon, après, c'est. Tu sais, franchement, il y a des. Notamment, c'est en Thaïlande. On les appelle les Ladyboys. Bah oui, magnifiques. Ils sont magnifiques. Bah oui, plus belles que des meufs, quoi. Bah, évidemment. Et elles couchent aussi avec toi. Elles te prennent aussi, avec bien plaisir. Sûr. Allez, 50 bahts. 50 bahts. Allez hop. Cyril, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Bah écoute, moi je suis inscrit sur les applications de rencontres parce qu'évidemment je recherche quelqu'un, tu vois, normal. D'accord. Et si tu veux, j'ai fait, j'étais au boulot et donc quand je me fais chier, bah je fais un petit tour comme ça sur l'application de rencontre. Et puis je vois une nana qui m'ajoute dans son panier, tu vois. Ok. Du coup, je... Ouais. Attends, Attends, elle t'ajoute dans son panier. C'est adepte. Oui, mais c'était pas pour citer la. Faites tout savoir. Je savais pas comment ça se passait sur Adopte un mec. En fait, la photo du mec et c'est comme si t'achetais un. C'est du shopping. Un truc, quoi. Ah, c'est du shopping, ça. Genre, ajouter au panier. C'est du shopping, c'est t'achètes. D'accord. C'est ça. Et donc, voilà, elle m'ajoute dans son panier. Donc, moi, je like son profil, etc. Bah, je la trouve plutôt mignonne. Mais, genre, il y avait une seule photo, quoi. Il y avait pas grand chose. Ouais. Et du coup, je lui envoie un message, je dis merci de m'avoir acheté, entre guillemets. Non, le trafic d'êtres humains, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, on a commencé à discuter, mais on a discuté quoi, 15 minutes. Donc, c'est des trucs banals, hein. C'est comment tu vas, comment tu t'appelles, vite fait les anciennes relations, tu vois. Ouais. Puis elle me fait que, elle me sort que, elle a déjà discuté avec un mec pendant 3 mois, elle l'a vu en vrai et ça n'a pas matché. Okay. Du coup, là, en fait, elle me propose direct de se voir là tout de suite maintenant. D'accord. Ouais. Putain, plutôt rapide quoi. Pas de temps perdu. Hein. Alors, sur le coup, je me dis, putain, elle se rend pas compte. Je dis, moi, je pourrais être un gros cinglé, j'en sais rien, un putain de pervers, ou tu vois, elle pourrait prendre, elle pourrait avoir des risques quoi. Bien sûr. Puis, c'est vice versa, moi, je connais pas plus que ça, ça pourrait être un barbu en slip tout crade, tu vois. Oui, non, mais bien sûr, Cyril, dis donc, t'as de drôles d'images dans la tête, Cyril. Un barbu en slip tout crade, j'en ai un juste à côté de moi. Il est barbu. Non. En slip tout propre. Ben pardon Doc, bien sûr, j'ai pas été vérifié. Mais alors continue Cyril, donc ouais. Donc, et donc en fait, elle me dit, voilà, on s'échange nos numéros de téléphone et j'entends sa voix, du coup je sais que c'est pas un barbu. D'accord. Et du coup, on décide de se voir, on se donne rendez-vous chez elle, tout ça. Donc j'arrive dans sa rue, je garde ma voiture et tout, j'envoie un message comme quoi je suis dans sa rue et tout, elle sort. Et en fait, quand elle est sortie, elle était en train de pleurer. Ok. Et en fait, c'est une histoire à con. Sa chatte venait de se sauver. D'accord. Ok, donc elle avait perdu sa chatte. Elle a perdu sa chatte. Non, mais attends, en plus, les petites chattes et tout, comme ça. Bah oui. Non, mais c'est. Moi, quand j'ai vu ça qu'elle pleurait, elle me raconte que sa chatte vient de se sauver et tout. Ah, et elle est en larmes et tout. Moi, je la connais pas. Je me vois mal la consoler ou la prendre dans mes bras. Je l'ai jamais vue de ma vie. Mais quand même, c'est un petit chat. Ouais, bah ouais. Et alors, est-ce que t'as pris soin de sa chatte? Attends, je te raconte la suite. Et en fait, il était quoi? Il était genre 22h. Du coup, je me dis, écoute, on va la chercher, on va crier son prénom à gauche à droite, peut-être qu'elle va revenir, tu vois. Du coup, on se balade dans la rue, puis on cherche sa chatte, tu vois. Elle s'appelait comment? Comment sa chatte, elle s'appelait? Je sais plus, mais c'était un nom de Pokémon. C'était un truc bizarre. D'accord. J'ai pas prêté plus attention que ça. Moi, sur le coup, dans ma tête, j'étais en train de réfléchir. Je me dis, waouh, Cyril, dans quoi tu t'embarques? C'est encore quoi cette histoire? Enfin, les rancards comme ça, dans la rue, quoi. Ouais. Voilà, elle cherche, pas moyen. On a tourné pendant 2 heures comme ça. Et donc, après, je vois qu'elle est pas très bien. Du coup, je me dis, j'essaye de m'éclipser, tu vois. Je me dis, écoute, attends. Elle te plaisait ou pas, Cyril? Ah oui, il y a pas... C'est ça, deux heures à chercher sa chatte. Ouais. Deux heures à chercher une chatte dehors, j'en connais pas beaucoup qui le font. Hein. Est-ce que tu l'as trouvée, sa chatte? Alors, justement, je l'ai ramenée chez elle, etc. Et je suis retourné à ma voiture, et devinez qui se trouvait sur ma voiture? Sa chatte. Sa chatte. C'est pas vrai, putain. Alors, du coup, je l'ai attrapée et je lui ai ramenée. D'accord, et alors t'as été gâté. En fait, quand j'ai toqué chez elle et tout, elle ouvre, et puis en fait, c'est limite, déjà, elle m'a pas calculé au départ, elle a vu que la chatte. Ouais. Elle a fait des bons, elle était heureuse, je sais pas quoi. Et au final, si tu veux, quand je lui ai rendu, elle a fait ce qu'elle avait à faire avec sa chatte. Et quand je me suis. C'est bizarre. Non, mais je veux dire, elle l'a caressé, hein, tu m'as manqué, blablabla. Bla, bla, elle a caressé sa chatte, ouais. Et au final, après, en fait, elle m'a sauté dessus. Et j'ai vu autre chose que sa chatte, sa deuxième chatte. D'accord, ok. Ah, la chatte à la voisine. Bravo, Cyril. Super héros, le sauveur de chatte. Il habite à Maubeuge, les amis. Il s'appelle Cyril. Le sauveur de chatte. Tu es resté longtemps avec elle ou... Alors, figure-toi qu'en fait, je suis rentré chez moi et tout. Après la soirée qui était fort sympathique. Ouais. Et le lendemain, en fait, j'ai pas voulu jouer le mec trop pressant, envoyer des messages tout de suite. Et en fait, le lendemain, quand j'ai voulu lui renvoyer un message, j'ai vu qu'en fait, elle m'avait bloqué et viré de toutes les applications. Bravo, Cyril. Cyril, c'est un super coup, le mec. Hein, il fait l'amour avec quelqu'un, le lendemain, il est bloqué. Tu t'es posé des questions ou pas, Cyril, après? Non, du tout, parce que j'ai jamais eu plainte et en général, ça se passe très très bien, donc... D'accord. Elle était chelou, peut-être. Ouais, non, voilà, tu t'es tombé sur une nana bizarre, un peu bizarre, quoi. Moi, je pense que c'était le fait d'avoir trouvé sa chatte. Eh ben, quelle histoire, ça merci. Joue, j'imagine. Merci Cyril. Alors, je sais pas si dans l'équipe il y en a qui ont fait comme ça des rencontres sur les réseaux sociaux. Alors je vois Kassim. Ouais, moi j'ai rencontré une meuf qui était plutôt bonne. Elle s'appelait Ludmila et donc on discutait bien sur les réseaux. Et en fait quand je l'ai vue, quand j'ai bu un verre avec elle, bah elle parlait pas. Il y a que moi qui parlais. Et elle ça c'est pas. Horrible. T'as rendez-vous avec quelqu'un et puis il y a pas de feeling et en fait il y a pas de discussion quoi. Et du coup je disais mais t'es vivant, tu bouges, il y a quelqu'un là-dedans et tout. Mais non, la meuf elle me parlait pas. Et après bah du coup bah je lui dis bah bon bah salut. Et du coup c'est elle qui a payé. Ah mais c'est vrai des fois tu sais tu discutes beaucoup et tout comme ça en chattant avec la personne et au final quand tu la vois tu te sens un peu mal à l'aise. T'as jamais eu des dates comme ça toi Alice? Bah je me suis jamais inscrite sur un site de rencontre et tout, j'ai toujours eu un peu peur je sais pas au moment où il faut uploader la photo, j'ai peur de mettre une photo de moi de par tout contre... ça me stresse un peu mais par contre j'ai accompagné pas mal de copines à des rendez-vous au cas où, tu vois genre le fameux SOS. Ouais, c'est genre tu es là au coin de la rue, on regarde si c'est la bonne personne et si c'est la bonne personne, elle y va. Et si on voit que c'est une personne trop trop chelou, on se casse, elle envoie un message pour expliquer que son train a du retard quoi. Parce qu'il faut se méfier hein, car on sait jamais sur qui on peut tomber. Bien évidemment, ça peut attirer tout et n'importe quoi, on est derrière un écran quand même hein. Elles sont derrière des écrans. Donc évidemment, on peut jouer des personnages. N'hésitez pas en tout cas à venir nous raconter hein, si vous avez déjà eu des matchs hein, comme justement Adrien et Cyril et si bah voilà, vous avez été plus que surpris ou une sombre histoire de chatte, n'hésitez pas. 01 42 48 5000. Dans un instant, on va accueillir Momo. Momo, il a 30 ans, il est de Paris. On fera aussi un sexy chocolat. D'ici quelques minutes, on va tester la fidélité du copain de Célia dans un instant. Momo, t'es là ? Bonjour. Bonjour, salut. Momo. Salut. Salut, Momo, t'as quel âge ? J'ai 30 ans. T'appelles d'où, Momo ? Région parisienne de Massy. D'accord. Et tu nous appelles pourquoi, Momo ? Écoute, j'ai 30 ans et je suis puceau. D'accord. Et ça, tu vas en parler avec nous parce que ça commence peut-être à t'inquiéter un peu. Tout à fait. 30 ans, toujours puceau. C'est Momo qui débarque dans un instant. Vous bougez pas, on en parle avec lui. Et avec vos témoignages, vos réactions, 01 42 48 5000. Et on écoute Black Coffee sur Fun Radio. C'est Love in Fun. You left behind, and I can't get high enough to forget why I cry. So I'm Kofi sur Fun Radio, c'était Drive. 01 42 48 5000, appelez Karel, Alice et Doc Pavageau. De 22h à minuit sur Fun Radio. Bienvenue sur Fun Radio, bienvenue à tous les nouveaux auditeurs, les nouvelles auditrices qui découvrent peut-être Love in Fun pour la première fois ce soir. Bienvenue. Salut, salut. Bienvenue dans la famille. Entrez, ici c'est la famille. Ici c'est la famille. Voilà. C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. C'est la famille. Célia, Célia, bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir Célia, tu es dans la famille. Momo, Momo, t'as 30 ans, t'es à Paris, t'es dans la famille toi aussi. Exactement, salut à tous. Salut Momo, merci beaucoup d'être avec nous tous les soirs. Du dimanche, jeudi, l'émission c'est de 22h à minuit. Pendant 2h, encore plus de liberté. Ici vous pouvez venir vous lâcher, hein. Y a pas de sujet tabou. On va pas vous dire au téléphone, au standard, quand Coco et Méloche vont décrocher. Ah bah non, tu vas pas pouvoir passer. Ici ça n'existe pas. Tout le monde peut passer à l'antenne, je vous le dis. 01 42 48 5000. On va parler avec Momo là maintenant. Juste avant, je vous l'ai dit, enfin juste après salut, on fera un sexy chocolat. Et doucement, Momo. Chaque chose en ah, son temps. Pressé, hein. Et ah bah, hey, ça fait 30 ans qu'il attend. Enfin, 30 ans. Il est toujours puceau, il a 30 ans. On va faire un sexy chocolat dans un instant avec Célia. Mais d'abord, on s'occupe de toi, Momo. C'est pas possible, ça, Momo. T'as 30 ans, t'es toujours puceau. J'ai 30 ans et je suis puceau. Écoute, ça fait partie de mon quotidien, en tout cas, depuis 30 ans. C'est vrai. Oui, bah oui. Bah après, c'est généralement quoi l'âge du premier rapport, Doc? La moyenne est à 17 ans et demi pour les garçons. La moyenne. Mmh. Après, il y en a qui l'ont à 14 et puis il y en a d'autres qui l'ont à 22. Ouais, et puis il y en a qui... Et puis il y en a, c'est plus tard. C'est beaucoup plus tard. Parce c'est que clair, c'est clair. À 30 ans, il n'y a plus aucun de tes potes, j'imagine, qui l'a pas fait, quoi. Ah non, mais je te confirme. Tous mes amis, carrément tous sont fins avec une copine, soit sont mariés. Et puis voilà, je suis un peu l'exception qui confirme la règle. C'est quoi ton parcours, Momo? Raconte-toi un peu ton histoire. Alors, qui je suis? Ouais. Déjà, je dirais que je suis quelqu'un qui est extrêmement bosseur. Bosseur? Ouais. Bosseur, voilà. Ouais. Là, il y a énormément. Alors, c'est vrai on t'entend pas bien, Momo. On t'entend pas bien. Ouais, essaye d'aller dans l'an. On a tous, tu sais, un endroit dans sa maison où on capte mieux. Bah, vas-y. Oui, là, ça va. Là, je vous entends bien. Ça y est. T'habites où, Momo? Alors, bah, déjà, je suis en Ile-de-France, à Massy, dans l'Essonne. D'accord, t'as ton appartement et tout. Tranquille, quoi. Eh bien, disons que non. Je vis chez mes parents. Ah ouais? Ah oui, aussi. Ah, t'habites chez papa-maman encore? Voilà, exactement. Alors, la simple spécificité, c'est que moi, je voyage énormément pour mes contrats professionnels. Et du coup, depuis 2 ans, ben, je loue des studios, des F1, etc., pour mes contrats enseignants. D'accord, mais t'es encore un petit peu coupé. J'ai pas tout compris. Tu fais quoi dans la vie, Momo? Alors, je suis enseignant et interprète en langue espagnole. Mais ok, alors comment t'expliques que t'aies jamais rencontré une seule nana avec qui... Ouais, t'as cherché au moins. Est-ce que t'as cherché à faire l'amour? Enfin, à avoir une relation? Déjà, moi, je me suis renseigné, je me suis concentré sur la question d'avoir une copine et une petite amie. C'est un peu récent. Je dirais que ça sort du four. Tout simplement parce que moi, à la base, je me suis toujours focalisé sur mes études, sur mon travail, etc. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas pensé à avoir une petite amie. T'étais désintéressé, c'est tout. Oui, ça faisait pas partie de tes priorités, quoi. Exactement. Et comme, et là, je me dis, arrivé à 30 ans, il serait bien d'avoir peut-être une copine avec soi. Est-ce que t'as des loisirs, des hobbies, des passions? Est-ce que tu fais autre chose que travailler? Des tonnes. Ah. Comme, par exemple? Vas-y. Eh bien, déjà, le 10 km en 39 minutes, je participe à des compétitions de running. Ok, 10 km. Ouais, d'accord. Voilà, running, football, natation. Et plus tard, j'aimerais bien faire de l'équitation, tu vois. Ok. Mais donc, du coup, souvent, il t'arrive de sortir avec des potes dans les bars, tout ça. On fait souvent des petits restaurants. On sort, tu sais, il y a des salles de cinéma pas très loin de chez nous. Enfin, c'est super. Et là, t'as jamais fait de rencontre? C'est pas au cinéma qu'on rencontre grand monde. Vraiment, j'ai 30 ans, je suis. Vraiment, j'ai envie d'une femme, quoi. C'est déjà pas mal. J'ai envie de faire une rencontre qui puisse aboutir sur une rencontre sérieuse avec quelqu'un avec qui je puisse m'entendre. C'est surtout un feeling, en fait. Alors, ce qu'on va faire, Momo, parce qu'on t'entend définitivement vraiment très très mal, ce qu'on va faire déjà, c'est... Ouais, mais attends, on t'entend bien, mais on t'entend mal, Momo. Donc, on va essayer vraiment de... Allô? de régler. Tiens, on va lui faire le coup du tunnel à Momo. Allô, Momo. Allô, Momo. Ah, ça a coupé. Allô. Momo, ce qu'on va faire, on va essayer de résoudre le petit problème de son qu'on peut avoir avec toi. Et j'invite peut-être des auditrices, voilà, qui pourraient peut-être faire la rencontre de Momo, hein, parce que j'imagine que Momo, il vient avec une petite idée derrière la tête. Hein, carrément. À nous appeler au standard, au 01 42 48 5000. Momo a des appartements un peu partout. Et puis, c'est pas le seul. C'est un bon parti. Il doit y avoir d'autres personnes, que ce soit des mecs ou des filles, qui ont vécu ça, qui sont restées voilà, vierges jusqu'à je ne sais quel âge. Donc, venez nous raconter, si c'est votre cas, comment vous avez fait pour passer le cap. Complètement. Et si vous avez plus de, enfin voilà, à partir de 30 ans, vous êtes toujours puceau. Des fois, ça devient dur à le dire, quoi. Je veux dire, quand tu fais des rencontres, voilà, c'est particulier. Ah, moi, déjà à 18 ans, je me prenais la tête et tout, quoi. C'était oui, la compète. Avec... Non, mais attends. Eh, franchement, les mecs. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Kassim, Doc, mais. Ouais. Nous les mecs, on a une, enfin je dis pas que c'est pas pareil pour les filles, mais on a une vraie pression autour de la première fois. C'est-à-dire que c'est comme si tu deviens un adulte, genre t'es respecté parce que tu l'as fait. Mais c'est quand vous enlevez votre duvet, c'est tout. Ouais. C'est pas quand vous faites votre première fois. Sérieux. Non, mais c'est une pression qu'on se met soi-même, ou une pression aussi qu'on ressent, mais qui est pas toujours véritable. Hein, mais c'est vrai qu'il y a de l'ordre un peu de la compète, et puis de, il faut passer ça pour enfin être un mec, pour enfin être un homme, pour enfin être un grand, pour enfin, il y a tous ces trucs-là. C'est ça, c'est ça. Et en même temps aussi, t'as les hormones, hein, qui travaillent. Bien sûr. Je veux dire. Et souvent, bah, du coup, tu te retrouves, tu forces un peu le truc, et tu, enfin voilà, ta première fois, elle est pas forcément terrible. Je me rappelle de patients qui racontaient, ah ben mon père il m'a emmené chez la prostituée pour que j'aie mon premier rapport. Ah ouais putain, certain le daron. Justement, on demandera à Momo si s'il a été voir les putes ou pas, enfin les prostituées pardon. Et alors on va accueillir Célia qui est avec nous sur Fun Radio. Bonsoir Célia. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Célia, t'as 22 ans et t'es à Besançon. Oui, c'est ça, tout à fait. Bon, ce soir c'est le grand soir Célia. Je sais pas, mais on va voir. Bon, pourquoi tu nous appelles Célia? Alors moi, je vous appelle parce que j'ai un peu le sentiment d'être prise pour un con par mon chéri. Donc, ça fait un an qu'on est ensemble et ça fait un mois que, bah, en fait, il est plus là le week-end. Soi-disant, il va à la chasse avec ses collègues, sauf qu'il a ni licence ni physique. D'accord. Ouais, effectivement, voilà. J'ai l'impression qu'on va se faire un sexy chocolat qui va partir en couille. Restez avec nous. Célia, on va tester la fidélité de ton mec dans un instant avec Denis Chan qui va l'appeler. On va ouvrir une boutique à Besançon, les amis, ce soir. Restez bien avec nous et en plus, on revient avec Jason Derulo et Goodbye. À tout de suite. Suivez-nous sur Instagram en tapant Love in Fun. Et votre réveil, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Cette semaine, à 7h10, Bruno paye vos factures avec JBL, le numéro 1 des enceintes portables. Allô ? Quel est le seul animateur radio qui paye tes factures ? C'est Bruno dans la radio ! Et en plus, gagnez chaque jour la JBL Xtreme 2. L'enceinte portable ultra puissante qui anime vos plus grosses soirées. Ah, merci ! Envoyez vos factures à facture@funradio.fr. Bruno dans la radio, 6h-9h sur Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Avec le pack Open Orange, retrouvez ce que Noël a de plus merveilleux. Moi, avec le forfait Orange 50Go, je révise mes chants de Noël en streaming. Et ben moi, avec le forfait Orange 50Go à 9,99€, j'envoie mes vidéos de Noël à toute ma famille. 50Go de vidéos par mois, on va avoir le temps de s'occuper. Hein. Avec Orange, profitez du forfait mobile 50Go pour client pack Open à 9,99€ par mois pendant 12 mois au lieu de 24,99€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 8 janvier 2019. 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. Party Fun 2019, la compile événement avec Offenbach, Soprano, Maître Gims, Aya Nakamura, Dua Lipa, Coombs, The Prince Karma, Martin Garrix, Loud Luxury. Le meilleur du son dance floor est sur Party Fun 2019. Love in Fun. Love in Fun. 22h minuit. Sur Fun Radio. Time to say goodbye. Don't leave me alone, just stay for the night. I need you. wanna swim. I got bright stuff, but them ice dim. Chain heavy, but I'm light skin. I pull up on them, let them put the pipe in. But then I got a dash like a hyphen. I bring the cake, let them lick the icing. Some little open toes through it, white men. Advising, I guess this Tyson. None of you hoes will ever see my pen. My fire spell, Nikki Boot, just to drive in. The way my football, just give me the Heisman. Touchdown, touchdown, touchdown. Cause it's Jason Derulo, David Guetta et Nicki Minaj sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc. De 22h à minuit. On est en direct tous les soirs sur Fun Radio du dimanche au jeudi. L'émission s'appelle Love in Fun. Il y a un médecin qui est là, médecin sexologue. Hello. Ça va, Doc? Ouais, très bien. Avec son hello. Hello. Hello. Et à la fin de l'émission, vous noterez bien, il dit toujours salut. J'y mets un peu plus maintenant. Hier, elle a fait salut. Voilà. Salut. Bonsoir. Salut. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez entendu la magnifique voix d'Alice, oui, avec son petit bonnet chat ce soir. Oui, non, pas bonnet chat. Enfin, si, c'est peut-être une chatte. Je ne sais pas. J'ai pas été regardée. Mais oui, oreille de chat ce soir. On est filmé en plus tous les soirs. C'est ça qui est bon. Vous pouvez regarder cette émission si vous voulez voir un peu nos gueules de cons. N'hésitez pas. Funradio.fr et l'application Fun Radio sur tous les mobiles. À télécharger, bien sûr. Dans cette émission, à tout moment, vous le savez, on peut tester la fidélité de votre copain, de votre copine. Ça s'appelle le sexy chocolat. Et ce soir, nous avons Célia au téléphone. Bonsoir, Célia. Bonsoir. Célia, t'as 22 ans et t'es de Besançon. Exactement, tout à fait. Alors, explique-nous tout. Pourquoi tu veux tester ton mec ce soir? Raconte-nous. Alors, en fait, je suis avec mon copain depuis un an. Et en fait, ça fait un mois qu'il est un peu bizarre. Donc, un jour, il m'a dit « Ouais, j'ai des collègues qui veulent qu'on aille à la chasse. » Bon, bah, ok, il est parti à la chasse. Sauf que depuis cette première fois, il y va tout le temps. Comme si que d'un coup, il s'est découvert un amour de la chasse, quoi. Du jour au lendemain. Ouais. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. Et je lui ai dit « Voilà, ni vu ni connu. Ouais, mais qu'est-ce que vous avez chassé ?» Vous savez, j'ai essayé de le questionner un peu et tout. Puis bon, il m'a dit « Ouais, des faisans, des trucs comme ça. » Je dis « Ah, mais c'est très bien que t'en ramènes, il y a des super recettes et tout, donc voilà. » Donc, il y a toujours une excuse, et bizarrement, il n'y a jamais rien à manger. Ouais. Il y a toujours une excuse, je lui ai dit « Bah, fais des photos de vous en tenue, avec les pistolets, les fusils, tout ça, quoi. » Ouais, c'est peut-être pas la chasse que tu imagines, quoi. Bah, en fait, je me demande, voilà, si... exactement ça. Je me demande s'il va pas tirer des cartouches, mais d'autres choses, quoi. c'est ça. En gros, voilà. Ouais, non, mais voilà, donc, Célia. Du coup, j'ai un peu peur de ça. Après, j'espère vraiment que c'est pas ça, parce que je l'aime vraiment, et voilà. J'espère que je me trompe, et qu'il me fait une surprise, et que je suis un peu parano. Mais j'ai un petit peu peur. T'as aucun élément de preuve de la chasse, hein, en même temps. J'ai pas d'élément de preuve de la chasse, mais j'ai pas d'élément de preuve d'infidélité non plus. Oui, c'est vrai. Donc voilà, parce que j'ai essayé de regarder un petit peu forcément hein, son téléphone, oui. Il est connu sous la douche ou quoi, il y a rien qui me... Donc je suis vraiment dans le flou, j'ai hésité en fait à le suivre. Et en fait, c'est une copine à moi qui m'a parlé de vous, elle m'a dit essaye d'appeler pour la Fun Radio pour le sexy chocolat, comme ça tu sauras. Et voilà pourquoi je vous appelle et j'ai très peur, je suis pas bien du tout là, j'ai... Bah écoute, alors Célia, ouais. Déjà j'ai une question à te poser. Est-ce que tu acceptes d'entendre peut-être le pire? Bah après d'un côté on vit ensemble, enfin, ça fait un an. Moi j'ai envie de faire quelque chose de concret. Si c'est pour qu'il soit infidèle, je préfère le savoir maintenant et il prend ses affaires, il se casse et voilà quoi. T'as aucune preuve, voilà, c'est juste des suppositions. Moi je l'aurais suivi, franchement je l'aurais suivi. Bah, le problème, c'est que si je le suis et que je vois une meuf, je pense que je vais tellement péter un câble que je crois que je les fracasse tous les deux, en fait. Donc, des histoires en lapin, va dans la forêt, fais quelque chose. Hein, fais le cri du canard. C'est quoi? Ah, qui. Je veux pas finir en prison, je préfère vous appeler. Ok, je prends Célia. La carte de la, voilà, de la Alors, douceur, on va dire. Donc, tu connaissais pas l'émission, Célia, avant? Non, pas du tout. C'est ma meilleure amie qui m'a parlé de vous, parce que, bah, elle sait mes doutes depuis 15 jours, hein, ça commence à me monter. Donc, elle m'a parlé de vous, elle m'a dit de vous appeler, et je suis ravie. Depuis 15 jours, du coup, j'ai écouté un petit peu, et je pense que vous pouvez me donner des réponses, en tout cas. Ok. Alors, la séquence s'appelle Sexy Chocolat. Hein. On monte une boutique de chocolat érotique à offrir à la personne de son choix. Moi, je vais appeler Dylan. Enfin, pardon. Denichon va appeler Dylan. Il va lui dire qu'il a gagné un coffret chocolat d'une valeur de 50 euros et qu'il peut l'offrir à l'élu de son cœur. Hein. Ce sont des coffrets chocolat érotiques. Donc, forcément, tu l'offres à ta chérie. Et j'espère qu'il va donner ton prénom. Est-ce que il y aurait peut-être le prénom de quelqu'un à qui tu penserais? Non? Aucun? Ah non, pas du tout, non. D'accord. Pour moi, il doit dire moi et c'est tout, quoi. S'il dit pas Célia, je pète un câble, quoi. Très bien. Eh ben, on appelle Dylan, alors c'est parti. D'accord. Ok, okay. On y va pour le sexy chocolat en direct sur Fun Radio. J'ai fait mon petit sapin de Noël avec mes petites boules. Mes grosses boules. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Dylan, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Oui, bonsoir Dylan, enchantée de faire votre connaissance, je suis vraiment désolée, je vous appelle très très tard là. Je me présente, je suis Denichon, je représente la chocolaterie Sexy Chocolat. On est une boutique... Oh là, je vous entends pas bien. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Vous êtes sur la route peut-être? Oui, je suis devant là, je suis en train de fumer une cigarette. D'accord. Alors, je suis vraiment désolée. En fait, on est la boutique Sexy Chocolat qui vient d'ouvrir à Besançon. Vous avez peut-être déjà entendu parler de nous? Ah non, du tout. D'accord, mais c'est parce qu'on a ouvert il y a peu aussi. Hein. Ça fait un mois seulement. Et alors, si on vous appelle, c'est parce que vous avez gagné un cadeau. J'ai gagné un cadeau. Oui, alors je vous explique. En fait, on appelle quelques habitants de Besançon pour leur faire bénéficier d'un cadeau. Vu que les fêtes de Noël approchent, hein, et qu'en ce moment, bon bah voilà, on n'a pas forcément les finances et que ça coûte toujours beaucoup d'argent, on s'est dit, voilà, à la boutique Sexy Chocolat, qu'on pouvait peut-être vous offrir, donc pas à vous, mais à la personne de votre choix, un coffret chocolat érotique d'une valeur de 50 euros. Est-ce que ça vous ferait plaisir de gâter quelqu'un? Oui, pourquoi pas, mais il n'y a pas d'obligation d'achat par la suite ou quoi que ce soit. Alors, c'est pas du tout une arnaque. Moi-même, je suis la première à me faire emmerder toute la journée. Et vas-y que je te vends une véranda. Et vas-y, mon nouveau climatiseur. Et vas-y, les radiateurs parce que c'est l'hiver. Et vas-y, va te faire foutre. Hein? Donc ça, on n'en est pas du tout là-dedans. Dylan, ouais, nous, on est dans quelque chose, par contre, d'assez coquin. Hein? C'est-à-dire que le concept de la chocolaterie, c'est Sexy Chocolat. Donc moi, ce que je vais vous mettre dans le coffret, c'est des huiles d'essence chocolat. Vous avez également des choux kékettes. Hein? Voilà, c'est les chouquettes en forme de kékettes. Et la chocolapine, bien sûr. Plein de petites choses comme ça. Donc c'est très rigolo, c'est très ludique, c'est très sensuel et charnel. D'accord, ok. On y va? Bah écoutez, oui. Comment s'appelle votre petite amie? Vous êtes mariée, fiancée? Vous avez quelqu'un dans votre vie? Non, je suis pas mariée, non. Ouais, j'ai une bonne amie, ouais. Oui? Quel est son prénom? Océane. Océane, d'accord. Ça fait longtemps que vous êtes avec elle? Bah, on n'est pas tout à fait ensemble, mais... C'est un dos en cours. Tout à fait. T'es comme moi avec Brian, en ce moment. Donc là, vous êtes plutôt... parce que c'est important pour moi, hein, suivant le coffret. Est-ce que vous avez... excusez-moi, vous posez la question, mais est-ce que vous avez déjà eu des rapports sexuels avec cette personne? Oui. D'accord, ok. Et c'est assez récent? Oui. Ah, c'est donc le début d'une nouvelle relation? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Est-ce que vous avez des passions en commun avec cette personne? Parce que peut-être que je pourrais agrémenter mon colis. Les passions en commun, pas forcément. Enfin, moi, plus, on se voit les week-ends. Pour l'instant, voilà. Enfin, on n'est pas ensemble à 24. D'accord. Vous encore une fois, hein, vous faites l'amour combien de fois par semaine avec elle à peu près? Bah, c'est plus les week-ends. Je sais pas, moi, 2-3 fois. Dans le week-end? D'accord, ok. Bon, bah c'est super ça. Et écoutez, moi ce que je vais faire, c'est je vais vous passer ma responsable. D'accord. D'accord, qui va prendre les coordonnées de la personne. Et ensuite, vous allez vous expliquer un petit peu avec elle, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Bah, je vous la passe tout de suite. Merci beaucoup de votre fidélité. À très bientôt. La boutique vous remercie de votre fidélité. À très bientôt. C'est une blague. Allô. C'est une blague, là, j'espère. C'est qui cette pute, Océane, là? Hein? C'est Léa. Tu te fous de ma gueule, là? Non, mais c'est quoi, c'est pas ce que tu crois. Mais c'est parce que je crois de quoi? Et vas-y, que je couche avec elle 3 fois par semaine. Oh, et tu lui as dit que la semaine, tu couches avec ta meuf aussi? Ou ça, t'as oublié de lui dire, hein? T'es vraiment un enculé, toi, ma parole, hein? Mais non, merde. Mais quoi? Mais qu'est-ce que... Bah oui, mais normal, mais t'as une meuf le week-end et une autre la semaine. Mais oui, je te dis amen. Ah, il faut qu'on explique. Alors, Célia, je comprends. Et franchement... Maman, je vais te tuer. Célia... Ma mère, je vais te tuer. J'explique à Dylan, t'es en direct sur Fun Radio dans Love in Fun, tu viens de te faire piéger. C'est Célia qui avait des doutes parce que t'allais souvent à la chasse le week-end. Elle trouvait ça un petit peu bizarre. D'accord. Tu ramenais pas de faisan à la maison, donc forcément, elle avait pas moyen de faire un beau petit repas du dimanche après-midi. Et... elle trouvait ça louche, a priori, elle a eu raison. Ouais, c'est vrai. Mais t'as pas honte, franchement, t'as pas honte. Tu me regardes tous les soirs dans les yeux, je t'aime, mon bébé, nanani. Mais tu crois que quoi? Mais t'es une grosse merde. C'est quoi, t'es une grosse merde. T'y arrives pas. Et au lieu de me dire c'est fini, au lieu de parler avec moi, non, tu vas niquer ailleurs, c'est ça? C'est tellement plus simple d'aller voir ailleurs. Non mais c'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Dylan, tu y arrives pas, tu veux dire quoi? Je sais pas, ça se passe bien, hein, je veux dire, mais... J'accroche pas, mais ça fait un an qu'on est ensemble. Est-ce que c'est ton problème? Tu te fous de ma gueule? Ton problème, un problème de fidélité de toute façon, Dylan, quelle que soit la relation? Non, je sais pas, c'est tout. Enfin, j'ai été pris dans un engrenage comme ça. Enfin, c'était bien. C'est l'occasion. Ça fait déjà un mois quand même. Donc tu vois, ce genre de choses, Dylan. Et voilà, ça fait un mois aussi que la semaine, il se fout de ma gueule, quoi. Ouais, mon bébé, ouais, je t'aime, ouais, machin. Ouais, tu hein. Bon, bref, je vais pas dire ce que je pense parce qu'il y a quand même du monde qui nous écoute, mais. Je me suis fait en cette situation. Faudra qu'on discute tous les deux. Voilà, je crois que, bien sûr, on va discuter. N'oublie pas qu'on habite au 4e quand même. Hein, donc, discutons pas trop quand même. Hein. Moi, je te le dis, fais attention parce que là, je vais te casser les dents. Hein, ma parole. Bon, c'est Lia, rentre c'est... surtout pas hein, ce soir. Rentre surtout pas, ma parole. Hein. Oui, pardon. C'est Lia. Je suis désolée, je vais le tuer. Non, mais c'est normal de réagir comme ça. Vu ce qui vient de se passer. Voilà, c'est un truc de malade. J'ai l'impression que Célia a pété un câble. Hein. Bah, attends, c'est normal. Oui, ouais. J'ai tellement de haine que j'ai même pas de larmes qui coulent. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tellement la haine. Je me dis, mais c'est pas possible en fait. Vous vous rendez compte? Ça fait un mois qu'il me regarde dans les yeux tous les soirs et tout, mais je t'aime, mon bébé. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il me rassure la semaine pour pouvoir aller baiser ailleurs le week-end. Quoi. Non, mais faut arrêter quoi. C'est grave. Bon, il va falloir évidemment que passer un petit peu de temps et puis que ça s'apaise, ce qui va prendre un certain temps. Il faudra peut-être que vous ayez une explication pour discuter. Après, vous verrez la décision que vous prendrez. Après, moi, la décision, elle est prise, ça, c'est sûr, c'est fini, c'est clair, net et précis. Hein, après, voilà, j'espère que sa pouf d'Océane, elle a bien entendu à la radio ce qu'il a dit, parce qu'en attendant, hein, il couche avec elle le week-end, mais la semaine, il ne se pouvait pas beaucoup coucher avec moi non plus. Hein, donc après, ça fait toujours pareil. Hein, parce qu'en général, ils disent des trucs à la meuf, à leur maîtresse, mais... Hein, Ça peut être le moment de qu'il de se corrige et de repartir sur des bonnes relations aussi. Ça, mais bon, ah oui, après mais vous verrez. Avec moi, hein, voilà, ça, c'est possible. C'est possible. Ouais. Non, ça semble non, pas non. être le chemin en cours. Dylan, on t'entend plus là. Alors c'est Dylan. Je suis là, mais ouais. Si vous voulez que je dise, je me suis fait toper, c'est tout. T'es fait toper. Ouais. Ouais. Mais elle veut rien savoir, elle veut même pas qu'on discute. C'est si, attends, Dylan, c'est le début. Oui, mais là, excuse-moi, là, faut la comprendre. Je comprends, j'ai merdé, carrément, j'ai merdé, j'ai fait le con. J'aurais pas dû faire ça, ça se fait pas du tout, mais je sais pas, j'ai été pris dans un truc, un jeu de séduction avec elle, et puis c'est parti trop loin. Je pose la question, Alice, tu peux comprendre qu'on tombe comme ça dans un jeu de séduction, et puis parfois on soit amené à fauter? Je peux comprendre, ça m'est pas spécialement arrivé, mais je peux comprendre. J'ai pas mal de copines qui ont vécu ce genre de situation, mais souvent c'est juste parce que t'assumes pas, que t'as peur de cette transition en fait où tu es seule, quoi. Je veux dire, t'es pas bien dans ta relation, mais t'attends, tu vas chercher ailleurs pour être sûr de quitter la personne pour une bonne raison et pour quelqu'un d'autre, quoi. Je pense que là, Dylan, t'étais un peu entre deux, t'as pas osé dire à Célia que c'était peut-être pas l'histoire de ouf en ce moment, et puis peut-être qu'il arrêtait pas de te dire je t'aime bébé, parce qu'il était en pleine culpabilité et qu'il se rendait compte que tous les week-end, il te la mettait à l'envers, quoi. T'es d'accord avec ça ou pas, Dylan? C'est carrément ça. C'est carrément ça. De toute façon, je pense que j'ai compris le message. Je pourrais rien faire pour changer les choses. Après, si avec cette qu'on discute, on discutera. Il n'y a pas de souci. On peut discuter. T'es soulagé qu'elle soit au courant? Ouais, carrément, en fait. Parce que elle accepte de discuter ou quoi que ce soit, moi, je suis prêt à tout arrêter. Pourquoi faire? Pour mettre, ne serait-ce que pour mettre un point final à votre relation, si c'est effectivement ce que vous pensez, tous les deux, en tout cas ce que tu penses toi Célia, ça va être important effectivement de discuter une dernière fois ensemble. Là on va vous laisser un petit peu en antenne, de toute façon on prendra des nouvelles de toi dimanche soir Célia, et on est vraiment désolé à chaque fois que ça se passe comme ça, franchement c'est jamais bien, et c'est, enfin voilà, on se met aussi à votre place et à ta place Célia, tu dois vivre un petit enfer là, dans la tête. J'avais des doutes, hein, et ben voilà, les doutes sont. Voilà. J'espère que ce soit pas ça et que ce soit plutôt quelque chose de positif, mais au moins, voilà, cette fois je suis fixée et j'ai pas de regrets, quoi. On était sur une bonne lancée, on était sur deux sexy chocolats qui avaient bien fonctionné, où il n'y avait pas eu de tromperie et tout, et là ça y est, on rechute, les amis, hein, je vous le dis. Célia, on va te repasser Dylan en antenne, on te rappelle dimanche soir, de tout cœur, bon courage à toi, accroche-toi et entoure-toi de tes amis, Célia. D'accord. Bah oui, bah de toute façon j'ai mes amis, ma famille, ça sera très bien et lui va aller se faire foutre, quoi, clairement, parce que moi je veux pas de quelqu'un comme ça dans ma vie, ça m'intéresse pas, quoi. Bisous Célia. Merci, bonne soirée. On te repasse, Dylan hors antenne. Restez bien avec nous dans un instant sur Fun Radio. C'est la battle. On va offrir 100€ de bons d'achat, de chèques cadeaux à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Autant vous dire que vous allez vous régaler là sur Fun Radio au 01 42 48 5000. On va se faire une petite battle avec des quiz. Et ce sera la battle. C'est votre dernier mot. Restez bien avec nous. Vous bougez pas. N'importe et là maintenant, quoi. On écoute Criss Cross Amsterdam sur Fun Radio. Viven en el siglo de la hombría. Que te arreglo es solo para ellos. Y que pa' tus hombres te maquillan. Solo para él. Que esto se te va a helar. Todo es solo para él. Que me gusta gozar. Y él me dice: vámonos, vámonos, vámonos. Pero la cama, la cama, la cama no. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero la cama, la cama, la cama no. Ser mujer no tengo miedo, aunque os dejo claro que no quiero. Creen que lo mío es coqueteo. Quiere gozar, ella no anda buscando drama. Le dije vámonos, vámonos, vámonos. Y ella la cama, la cama, la cama no. Quiero que esta noche te vaya conmigo. Pero a la cama, la cama, la cama no. Solo para él. Y esto es sexy bailar. No es solo para él. Que me gusta gozar. Y él me dice vámonos, vámonos. Pero la cama no. des tubes ici, c'est Fun Radio avec Chris Cross, Amsterdam et Babonos. La battle, Loving Fun, sur Fun Radio. La battle, et tous les soirs une battle différente. Un nouveau jeu chaque soir sur Fun Radio pour vous tenter, pour vous qui pourrez gagner la somme de 100 euros. 100 euros de chèque cadeau à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Avec ça, je te refais une garde-robe pour toute une année. Ah bah c'est ce que tu as fait, non? Pour toute une... absolument, absolument. J'en ai déjà bénéficié. J'ai mon sweat Balek. J'ai mon sweat Tikalikatam. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est des t-shirts, des sweats personnalisés et tout. C'est super cool. Franchement, en plus, carrément. C'est à la période de Noël là qui va arriver. C'est l'occasion pour vous justement de faire plaisir autour de vous. Ce soir, on va tenter donc un nouveau jeu. Et d'abord, nous allons accueillir nos deux candidats. Il y a Tom, 19 ans de Lyon. Bonsoir Tom. Bonsoir Karel, bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir Tom, sois le bienvenu dans la battle. Tu seras opposé à Caroline, 21 ans de Paris. Bonsoir Caroline. Coucou la team. Salut. Caroline, t'es timide ou t'es longue à la détente? Alors Caroline, si on ne t'entend pas, tu perds d'office le jeu et on prend la première personne au standard au 0142. Vous m'entendez là? Non, pas très bien. Pas très bien, Caroline. Ah mince, est-ce que là vous m'entendez? Non, toujours pas, Caroline. Ce sera pas toi, Caroline. Non, je pense que ce sera pas toi, Caroline. C'est hyper bizarre. Ah, c'est hyper bizarre, ouais. Alors on va te repasser, Coco, au standard. De toute façon, on va commencer par Tom. Ça va, Tom? Non, ça va très bien. Le jeu ce soir, il est très simple. Il y a trois quiz. Trois quiz qu'on vous a préparés dans la battle ce soir. Et alors, tu as le choix entre donc trois catégories. Celui qui donnera le plus de bonnes réponses gagnera ce soir. Alors, ce soir, on devait le faire au pile ou face, mais comme Caroline, on l'entend pas bien, c'est donc toi qui vas commencer à choisir ta catégorie. D'accord, Tom? Ok. T'as le choix entre la sexualité des animaux, le sexe à travers le monde ou les records liés au sexe. Quelle catégorie choisis-tu? Je vais prendre les records liés au sexe. Les records liés au sexe, super choix. C'est un bon choix. Ah, c'est pas mal. Tom, tu as tout le temps que tu veux et tu peux nous faire part un petit peu de ta réflexion ouais. sur tes réponses, etc. Nous ne te donnerons pas d'avis. Du coup, je peux dire genre http://google.com. Effectivement, si tu triches, Tom, c'est pas cool. Mais en attendant, Tom, pour valider ta réponse, je te poserai la question, est-ce que c'est ton dernier mot? Original. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Bah pourquoi Jean-Pierre? Moi, c'est Karel. Alors, on y va. Bah, j'ai confondu de jeu. On y va, Tom, c'est parti. Première question, le record de l'éjaculation la plus longue en termes de distance s'élève à 3 propositions, 2 mètres, 5 mètres ou 7 mètres. Réfléchis. Alors sincèrement, la dernière fois j'avais vu qu'une éjaculation pouvait aller à 15, je crois 40 km/h ou une connerie comme ça. Mm-hmm. Ou alors ça devait être sûrement une connerie sur Facebook. Mais 3 mètres ça me semble pas énorme. C'est 2 mètres, 5 mètres ou 7 mètres? Ah, 2 mètres. Franchement, je dirais 5 mètres. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Karel. C'est une bonne réponse, ça fait un point effectivement. Il s'appelle Horst Schulz et a réalisé une éjaculation de 5,71 mètres de distance. La moyenne étant mon nombril, 20 cm. 20 cm, voilà. Mon nombril, le réservoir, comme on l'appelle. La petite rigole, hein, comme on dit. Et c'est une première bonne réponse, ça fait un point. Une femme détient le record du plus grand nombre d'orgasmes en une heure. À ton avis, elle en a eu combien d'orgasmes en une heure? 74, 114 ou 134? Alors déjà, je tiens à savoir que ça doit être un mytho. Non, il n'y a pas de mytho. Mais je rappelle que les questions ont été écrites par Alice, donc c'est du professionnel. Je crois, mais c'est énorme. De source sûre. Des orgasmes en une heure. Ah, donc du coup, c'est Alice. Donc 74, 114 ou 134, il me faut une réponse. Eh ben, je vais dire 74. Est-ce que c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Karel. C'est C'est une très mauvaise réponse. Et non. Puisque le plus grand nombre enregistré est de 134 orgasmes par heure pour une femme, contre d'ailleurs le record pour un homme, 16. Eh ben oui, nous on a cet avantage là. On dort nous. On cumule. Voilà, c'est la preuve. Non mais les femmes, c'est un délire quoi. Ouais, qu'est-ce que vous attendez les mecs là? On peut enchaîner 134 à la suite, bim bim. Bim bim bam. Ouais, mais après on va se retrouver à être dans la performance. Voilà, c'est et ça. Et la compète. Bon alors. Alors ça fait un point seulement pour toi. Vrai ou faux? C'est la dernière question. Une femme a déjà avalé plus d'un litre de sperme. Sincèrement, je veux dire totalement vrai. Est-ce que c'est ton dernier mot? Ah, c'est mon dernier mot. C'est Jean-Pierre. Bonne réponse. Bravo. Ah, c'est pas mal. 2/3. Ah, Michel Monahan, comme on aime à l'appeler. En juillet 1991, Michel Monahan a battu le record de la quantité de sperme avalé en ingurgitant quasiment un litre de semences. Après son expérience, l'histoire dit qu'elle a dû subir un lavage d'estomac. Hein, au moins, elle peut pas dire à son mec « Ah non, chérie, ce soir, j'avale pas. » Bah si, justement, elle a peut-être marre. Ah bah là, après un litre. C'est horrible. Un litre, non. Un litre, c'est complètement horrible. Ça fait donc 2 points. Deux points pour toi, Tom. C'est pas mal. Johanna, pas mal. Il va falloir faire... Johanna? Ah, mais c'est une nouvelle. Mais c'est une nouvelle auditrice. Bah Johanna, bonsoir. Bonsoir. Ah, salut. Alors, je vais me retourner vers le standard. Mais que s'est-il passé, Caroline? Oui, Caro. Bah, Caro, elle a disparu. Elle va bien. On n'a pas réussi à avoir Caro, mais malheureusement, on a eu Johanna. C'est la première qui d'accord. a appelé, c'était alors, la règle. Bon, une chose est sûre, on dit bienvenue à Johanna, mais pour Caro, ce n'est que partie remise et Caro fera exactement. La battle. Parce que là, elle doit être dégoûtée. Elle pensait qu'on allait l'entendre et tout, et on ne l'entendait pas bien. Johanna, bonsoir. Bonsoir. Ça va, Johanna? Oui, et vous? Alors, il te reste 2 catégories. D'accord. On a fait les records liés au sexe. Tu veux quel quiz? La sexualité des animaux ou le sexe à travers le monde? Le sexe à travers le monde. Le sexe à travers le monde, c'est parti pour le quiz avec 3 questions. Et la première, qu'est-ce que la pipe cambodgienne? Une fellation avec un mélange de riz au curry ou une fellation à base de thé chaud? La 2. Alors Tom, attention, donne pas de mauvaises réponses, on influence personne. Hein, le souffle. Tu fermes bien ta gueule, arrête. Hein. Attention. Hein. Tu peux réfléchir, Johanna. Vas-y, Johanna, tu peux réfléchir. On t'écoute. Je dirais la 1. Donc. Ou la 2. Oh, ah bah oui. La 1 ou la 2 ouais. Pense à la pipe cambodgienne. La 2, ouais. La 2, donc ce serait une fellation à base de thé chaud. Exact. Est-ce que c'est ton dernier mot? Yes. C'est une bonne réponse. Bravo. Effectivement, une fellation pratiquée avec du thé chaud dans la bouche. Je ne connaissais pas cette spécialité. Ça fait. Non, on avait le glaçon, hein, mais. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle la pipe cambodgienne, voilà. Mais ça marche avec toutes sortes de boissons chaudes, hein, pas que le thé. Alors, comme on est un petit peu pressé, on continue. Vrai ou faux, au Brésil subsiste l'art du café d'amour qui consiste à préparer un café filtré dans une culotte sale. Non, ah ouais. Faux. C'est faux. Is it your last word? Yes. World. C'est une mauvaise réponse. J'ai pas dit world, j'ai dit world. On réécoutera. C'est une mauvaise réponse. Jusqu'aux années 60, les Américaines utilisaient un moyen de contraception vraiment chelou. Les tapettes à souris, le Coca-Cola ou les orties. La première. Une tapette à souris? Une tapette à souris à l'entrée du vagin? Non, est-ce bref, que c'est la troisième, je veux dire. Les orties, est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Et non, c'était le Coca-Cola. Eh ben c'est donc une victoire de Tom ce soir. Bravo, bravo Tom. Tom, ça va mon Tom? T'es heureux? Ouais, ça va nickel. Ouais, bah ouais. Mais t'es au top, Tom. Eh, franchement, bravo à toi. T'as tout déchiré. Johanna, pas trop déçue? Non, pas du tout. Bravo non, quand même. Ah, ça sent ah ouais, pas bravo, du tout. Bravo. Je suis pas du tout déçu, mais franchement, ça me fait chier. Hein. Mais c'est un bâtard, cet homme. Johanna, on t'envoie le pack Love in Fun. Tom, tu raccroches pas, les 100 euros, ils sont pour toi, bien sûr, à dépenser sur le site t-shirt-corner.com. Pack Love in Fun aussi. Et dans un instant, on revient avec vous tous, vous toutes. 01 42 48 5000. Et avec, dans un instant, Lucas et Steve.

sur Fun Radio. On est jeudi soir, ça veut dire qu'on va tous partir en week-end, là, voilà, pendant quelques jours. T'es d'ailleurs, vous allez faire quoi l'équipe? Tu vas faire quoi toi, Doc, ce week-end? J'ai fait encore une présentation pour un nouveau congrès de proctologues, encore. Ah, le spécialiste de l'anus, c'est Doc, bien sûr. Il a des congrès de proctologues, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord. Donc sur le plaisir anal. Ah, bah voilà. Ah, ça, t'en connais un rayon, le plaisir anal, Doc. Hein. Un petit doigt, hein, ça chatouille. Hein. Et toi, Alice, tu vas faire quoi? Bah moi, pas de soirée trou de balle. Je rentre le week-end à Metz en famille, voir les potes. Et puis surtout, je vais faire mes cadeaux de Noël. Je vais commencer aussi à préparer les cadeaux de Noël qu'on va se faire dans l'équipe, quoi. Parce que ça approche et il faut que je prépare tout ça. Ah, moi aussi, je vais faire mes cadeaux de Noël. Déjà, je suis en retard, je vais faire mon sapin. Ah ouais, hein, parce que ça, c'est il est temps ce week-end. Et les cadeaux de Noël, je vais commencer à les acheter. Ah, il faut. Mais donc je vais essayer de faire ça vendredi parce qu'à mon avis, samedi, ça va être compliqué. Ouais, les amis, je vous le dis. Ça va être une journée en jaune. Ah oui. Évidemment. Toi, Kassim, tu vas faire quoi toi ce week-end? Moi, je vais à côté du lac de Gérardmer dans l'Est. Je connais pas du tout, mais il paraît que c'est mignon. Alors, voilà. Oh, il a des week-ends. Mais... Oh, je vais à Gérardmer ce week-end. Bon, je vais aller ken ma meuf face au sapin. Quoi. Oh eh ben voilà, un petit week-end. Un petit week-end qui se prépare. Et on va retrouver la. Ah non, il faut d'abord que je parle du Christmas Talk. Ben oui, vous le savez, c'est l'événement. Momo! Oui! Momo, 30 ans, toujours puceau, t'es là? Toujours. Momo, tu sais où on va c'est lundi. Lundi. Tu sais où on va lundi soir? Ah non. Eh ben voilà, il y en a qui sont pas encore au courant. C'est pour ça qu'on le dit, qu'on le répète. Lundi soir, on sera à Rennes, en Bretagne. On va lancer le Christmas Tour. On fait ça tous les ans à Fun Radio. Et c'est la tournée Christmas Tour avec Bruno dans la radio qui sera du côté de Rouen, le Night Show, Marion Hanso. Ils seront à Bordeaux. Et nous, on sera à Rennes. Donc on sera en Bretagne. Tellement content. Super. Ah ben ça te fait plaisir, ça, Momo. Hein. Mais toi, carrément. Toi, t'es à Paris, tu pourras pas venir, Momo. Bah non, mais écoute, en tout cas, c'est une information que je prends et ça me fait plaisir de le savoir. Bah on va... on va. Attends, tu veux une autre information? Tu... Oui. Alors, c'est Kassim qui va te la donner parce que on sera où, Kassim? Il y aura Party Fun vendredi soir, le 14 décembre, sur le toit de l'arc de l'Arche de la Défense. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ça. Ça va être à côté de chez moi. Bah ouais. Tu vois. Voilà. Et ben là, tu seras cordialement invité, Momo. Big up à Kassim au passage. Eh ben voilà, et ça fait plaisir. Alors Momo, tu nous as appelé tout à l'heure. Alors, je rappelle d'ailleurs que si vous voulez assister à l'émission, cette émission est décousue, je vous le dis. Hein. Vous pouvez nous appeler au 01 42 48 5000. Momo, la France se mobilise pour toi ce soir, parce que c'est vrai que c'est assez rare d'entendre quelqu'un qui appelle comme ça à la radio pour dire, voilà, moi je m'appelle Momo, j'ai 30 ans, j'habite toujours chez papa et maman, et je suis toujours puceau. J'ai toujours eu une passion pour le boulot. Mmh. Moi je suis boulot, et depuis que depuis que t'as l'âge de bosser, les filles t'ont jamais vraiment intéressé. Les garçons non plus d'ailleurs, Momo, je t'ai pas posé la question, mais ça se trouve... Ah non, je ne suis intéressé que par les femmes. D'accord, donc toi tu aimes les femmes, mais les femmes ne te le rendent pas, si je peux me permettre, puisque il y a toujours rien eu. Exactement. Oui, mais tu ne t'es jamais rendu disponible non plus. C'est vrai, c'est pas faux. Mais tu dragues ou pas un peu, Momo? Mais écoute, pas forcément, non. Non, moi je suis quelqu'un qui attend la bonne personne et puis je me prends pas trop la tête. Oui, alors tu peux attendre longtemps. C'est ça. Hein, c'est le problème. Si tu attends et que tu ne fais absolument rien, que tu bouges pas, qu'il y a rien qui vient de toi, c'est sûr que ça veut dire que tu ne te rends pas disponible, que tu n'es pas ouvert à, tout vient de l'autre. C'est un peu compliqué pour que ça se fasse. Hein. Ouais, c'est clair. Après, c'est vrai que je dirais que je suis quelqu'un d'assez extraverti, d'assez sociable. Je sors énormément, mais paradoxalement, pas de rencontre. Bah, écoute, ça va peut-être commencer ce soir parce que je crois qu'il y a, une jeune fille qui a appelé pour toi. Enfin, une jeune fille, elle a 24 ans. Hein, tout va bien. Bah, ça va, c'est une jeune fille. Oui, non, mais bien sûr. Non, une mais, jeune femme. Oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. D'accord. Alors, on va accueillir. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, Momo. Cool. Ah oui, non, mais Momo, il est comme un dingue. Oula, une jeune femme. Oula, comment ça, une jeune femme? Il se tient droit. Alors, je te passe Rachel, elle a 24 ans, elle nous appelle de Paris. Bonsoir, Rachel. Salut l'équipe, salut Momo. Salut. Salut Rachel. On vous laisse tous les deux, faites connaissance, puisque Rachel t'a appelé justement pour parler avec Momo. Bah oui, pour le décoincer un peu, quoi. Eh bien, écoute, je suis à ton écoute, il n'y a pas de problème. Donc, du coup, tu as une trentaine d'années, c'est ça, tu as 30 ans? Exactement. Bah, officiellement, le 7 décembre, c'est-à-dire ce soir à minuit 31. Ah, c'est ton anniversaire, ce soir? Exactement, ce soir, là, à minuit, officiellement, j'ai 31 ans. Et ben du coup, c'est parfait. Et pour ton cadeau d'anniversaire, t'aimerais pas avoir de la chair humaine? C'est pour ça que j'ai appelé, voilà, je souhaitais découvrir et pourquoi pas avoir une copine dans ma vie et faire connaissance. Bah écoute, avec grand plaisir. Rachel, tu veux lui offrir de la chair humaine? Bah pourquoi pas, ça peut être assez plaisant non, d'être la première fois d'un mec. Ah, et genre ça, Rachel, quand t'as entendu Momo qui disait à 30 ans je suis toujours puceau, est-ce que dans ta tête tu t'es dit, bah c'est un petit côté excitant d'avoir un mec de 30 ans qui a jamais rien fait? J'ai de quoi lui montrer que c'est qui pilote, tu vois. Ah ouais, toi tu pilotes, toi? Ça change un peu. Bah ça change un peu. Ah, moi, et lui faire découvrir en fait ce qu'il a loupé toutes les années précédentes. Est-ce que c'est un... une très jolie voix. Ah. C'est gentil. Vraiment, j'apprécie beaucoup ce genre de voix. On sent que t'es assez posée et puis franchement... Bah imagine, toi, si t'imagines déjà ma voix, imagine le reste. Ah bah écoute... Moi, je, écoute, je suis complètement... Bah, demande-lui, demande-lui de se décrire, Momo. Ben voilà. Tu es comment physiquement? C'est la question que tu devrais... Voilà. C'est presque mignon comment il est trop timide, en fait. Grave. Momo, dis-lui, demande-lui. Je ne suis pas du tout timide, mais c'est juste que je préfère laisser la parole aux femmes, en premier. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça que tu n'as jamais qu'elle. Mais écoute, je me décris, si tu veux, Rachel. Non, mais non. Oh, il a rien compris. Eh bien, écoute, avec plaisir. Bah voilà, moi j'ai, je mesure 1m67. Je suis assez sportif, donc 55 kilos, bien proportionné. J'ai des yeux en amande. Qu'est-ce qu'il y a de quoi faire en fait? C'est intéressant. Noisette, exactement. Bah écoute, je suis très sociable. J'aime tout dans la vie. J'ai pas trop de barrières à ce niveau-là. Voilà, j'écoute de la musique, je sors, je fais du sport, je fais du shopping, je sors avec des potes, on mange dans des restos. Enfin voilà. Super sociable, super sympa, assez cool. Et ben bientôt tu vas baiser, quoi. Ok. Quoi? T'as dit quoi, Rachel? Bientôt tu vas baiser. Ah ouais. Il est cash, Rachel. Tu vends du rêve comme ça, Rachel, ou tu veux vraiment le rencontrer? Bah pourquoi pas. Ah ben écoute, tu es vraiment dans quelques heures. Pas dans quelques heures, non, même pas, dans quelques minutes même, ce sera son anniversaire. Exactement, une minute, officiellement, j'ai 31 ans, et puis voilà. Mais vraiment, j'aimerais vraiment faire ta connaissance, parce que tu m'as l'air assez cool, et même ta voix, elle m'inspire beaucoup. Ouais, tu m'étonnes. Elle a l'air très ouverte. Super open. Tu disais, Momo, que tu cherchais une relation sérieuse, longue, etc., non? Ouais, c'est ça, ouais. Déjà, faire connaissance, et puis... C'est bien. Faire connaissance, il s'adapte. La pénétrer physiquement aussi. Bon, alors, Momo, on se calme. Rachel nous a appelé, ouais. Y a pas de problème. Elle est plutôt open, en tout cas. On a aussi Greg qui est avec nous. 27 ans de tour. Salut, Greg. C'est moi. Ouais, salut. Ouais, c'est toi, Greg. Alors, vous êtes tous... C'est mon tour. Ah ouais, c'est à ton tour, Greg. Toi aussi, tu voulais parler avec Momo? Bah ouais, déjà, quand il s'est présenté, bon, rien qu'à sa façon de parler, j'ai senti que ça allait être un peu compliqué pour lui dans le futur. Ah bon, pourquoi? Putain, t'es dur. Bah non, mais... Il cherche trop ses mots, il est pas assez naturel. Les filles, ce qu'elles aiment, c'est le naturel, c'est le franc-parler, non? Je me trompe? Je suis pas sûr. Pas tout le temps. Ben moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, c'est vraiment, peut-être que j'ai l'air compliqué, mais c'est vraiment, je suis très très simple au quotidien et vraiment, je fais comme ça. Ouais, non, mais après, c'était ta façon de parler, t'avais l'air de chercher tes mots, je sais pas, c'était. Oui, mais Greg, il est peut-être. Je sais pas comment dire. Greg, mais... il est peut-être un peu stressé, Momo. Disons que j'ai une espèce d'intellectualité qui m'oblige à. Voilà. Ouais, toi, tu trouves, Greg, que Momo, il s'y prend pas bien, quoi. Bah, je sais pas, je l'ai pas vu avec les filles, c'est parce que c'est compliqué de juger, mais déjà, dans sa manière de se présenter, c'est moi, et c'est son travail, c'est vrai, j'avoue, c'est bien de travailler, hein, je suis pour. Mais c'est, je sais pas, je l'ai pas senti, en fait, plus ouvert, en fait, vers les filles, donc c'est compliqué. On n'a pas l'impression qu'il cherche ça. Il a envie de rester dans son mode boulot et qu'il a pas forcément. Parlez pas tous les deux en même temps. Momo, tu veux répondre à Greg? Vas-y. Ouais, complètement. Salut Greg. Salut Momo. Bah, il est avec nous depuis 10 minutes là. Momo, c'est non. C'est Orléans, c'est ça? Non, Tours. Orléans, Tours? Non, juste Tours. Comprends. D'accord. Mais écoute, non, c'est vraiment moi, je suis quelqu'un d'assez simple, même dans mes mots. C'est juste que bon, là, c'est vrai que le fait d'être à l'antenne, c'est un peu nouveau pour moi. Bon, il y a eu peut-être Je te rassure, Momo, c'est la première fois que j'appelle une radio, mais la première fois de ma vie. D'accord. Et il a appelé pour toi, Momo. Ça continue, il arrive jamais, Momo, c'est simple, d'assez extraverti, donc il y a peut-être aussi de ce côté-là. Non, non, et Momo, moi j'ai l'impression qu'il vit bien ça. Moi, Momo, j'ai une question à te poser. Est-ce que t'as déjà pensé, parce que bon, une fois que c'est fait, est-ce que t'as déjà pensé aller voir une prostituée, je veux dire une professionnelle Jamais. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que t'as pas envie c'est de pas le faire. C'est pas que l'acte, c'est ça. Oui, c'est la relation qu'il y a derrière aussi qui t'intéresse. Bien sûr. Oui, c'est exactement ça. C'est parfaitement ça. Bon, Rachel, est-ce que tu serais d'accord pour faire la rencontre de Momo incessamment sous peu ? Bah, pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, ça veut pas dire oui. C'est oui ou non ? Bah, oui, oui. D'accord. Donc, Momo ? Moi, ça me dérangerait pas de le rencontrer. Il a personne, j'ai personne. Il est quelqu'un, il a l'air un peu plus timide, voilà, discuter encore un peu, voir ce que ça donne. Il a l'air d'être quelqu'un un peu timide, mais gentil et tout. Non, moi, ça me fait craquer un peu. Il est pas timide. Rachel, enfin. Rachel, t'es prête à avoir un rencard avec Momo ? Allez. Momo, un rencard ! Bravo ! Ça y est ! Ça y est, Momo ! On est trop fiers de toi. Merci à toute l'équipe de Fun Radio, franchement, vous êtes super. Après 30 ans de solitude, 30 ans sans jamais voir une foufoune. A toujours bossé, a toujours travaillé, le boulot, peut-être là, Momo, ta vie va changer ce soir, t'as appelé Love in Fun. Ça commence à bien faire là, on a trop travaillé, maintenant il faut se concentrer sur les femmes. C'est bien, sage décision. Et maintenant t'as plein de fric, tu vas pouvoir te faire plaisir. Exactement. Et franchement, alors on prendra des nouvelles de Momo et de Rachel, hein, Rachel qui tiendra sa parole, pas que juste pour faire genre parce que c'est à la radio et je donne rendez-vous à un mec et puis je raccroche et j'en ai plus rien à foutre. Hein. Attention Rachel. Même une petite photo quand on sera ensemble. Et ah, super! Ça fait plaisir. Rachel et Momo, la rencontre, c'est quoi? J'ai presque envie de venir vous voir. Je me souviens que dans Love in Fun, on avait déjà coaché comme ça un auditeur. Oui, c'est vrai. Un auditeur qui n'avait pas beaucoup de succès avec les filles et tout. On l'avait habillé des pieds à la tête. Oreillette? Et on lui avait donné des conseils. Il portait une oreillette. Je peux parler, Momo? il avait une oreillette et tout. Et on lui donnait des petits conseils et il avait pécho. Alors qu'il était très, très timide avec les filles. Il l'avait genre emballé quoi la meuf, hein, direct. Ouais, c'était énorme cette vidéo, faudrait qu'on vous la retrouve. Momo, en attendant ta rencard, et Rachel, on te fait des gros bisous, vous revenez quand vous voulez. Gros bisous. Salut. Salut. Salut, gros bisous. Et ça fait plaisir, que ça se passe comme ça. Dans un instant avec nous, on sera avec Mélissa, 25 ans de Toulouse. Et Mélissa, t'es avec nous, Mélissa ? Oui, je suis là. Bonsoir. Salut. Mélissa. Mais Mélissa, t'as tellement bien fait de nous appeler. Il se passe quelque chose et c'est, moi je trouve dramatique ce qui t'arrive, Mélissa. Tu vas nous parler de quoi dans un instant, Mélissa ? Donc en fait, ça fait 2 ans que je suis avec mon chéri et il y a 2 mois, il m'a forcé à faire l'amour. D'accord. Donc c'est ton mec, mais il t'a forcé à faire l'amour. Il a abusé de toi. Oui. On appelle ça un viol. On va en parler dans un instant. Tu vas tout nous expliquer. Tu vas lui dire en quoi il t'a forcé, comment ça s'est passé, pourquoi tu ne veux pas faire l'amour avec lui aussi. Tu as sûrement tes raisons. Restez bien avec nous. En attendant, on écoute Lucas and Steve sur Fun Radio. I'm gonna search for you all night long, dreaming I wanna know where you've gone. Ain't gonna stop cause the love's too strong. Where do you hide? Let me know where gone, where have you gone? Let me know, I wanna know where you've gone. I'm gonna search for you all night long, dreaming I wanna know where you've gone. search for you all night long. Dreaming I wanna know where you go. Lucas and Steve sur Fun Radio. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Dob Pavajo. Vous savez qu'ici dans cette émission vous pouvez tout dire, vous pouvez venir vous lâcher et parfois venir témoigner de quelque chose de grave. Hein, puisque là, on va parler d'un sujet grave. C'est Mélissa qui nous appelle. Elle est à Toulouse, elle a 25 ans. Elle a décidé de décrocher son téléphone pour nous parler de son histoire. Mélissa, sache qu'ici, t'es la bienvenue. On va pas te juger, merci, on va juste t'écouter, te donner des conseils, te dire ce que nous, voilà, on pense de ta situation. D'accord. Raconte-nous un petit peu ton histoire et pourquoi tu nous appelles ce soir. Voilà, en fait, ça fait 2 ans que je suis avec mon chéri. Donc voilà, moi je suis de confession musulmane, donc j'ai pas le droit de faire l'amour avant le mariage. Ça... Mélissa ? Il y a deux. Ok, oui. Non mais parce que t'avais été coupée là avec ton téléphone, c'est pour ça. Oui, d'accord. Donc on a compris. On a compris que t'avais pas le droit de faire l'amour avant le mariage, c'est ton choix. Et il est au courant. Et en fait, il y a 2 mois, on faisait les préliminaires quand même. Hein. Et il y a 2 mois, il m'a forcée. C'est-à-dire ? Ben en fait, on faisait les préliminaires et puis après, il s'est mis sur moi et il m'a pénétré. Et toi, tu lui disais non ? Je disais non, s'il te plaît, fais pas. Et je pleurais, il a forcé. T'as essayé de te débattre ou pas ? Ben, non, je serrais les cuisses, mais je me débattais pas. Oui, enfin, c'est pareil. Bon, mais serrer les cuisses, ça suffit. Et puis dire non, ça suffit. Oui. Déjà. Oui. Quand c'est non, c'est non. Non, surtout là. Ouais. Et après, qu'est-ce que... Du coup... Mais en fait, ça s'est reproduit 2-3 fois. D'accord. C'est-à-dire qu'attends, on essaie de bien comprendre. Donc là, il te viole, puisque il faut mettre un mot hein, sur ça. C'est-à-dire que toi, tu refuses et lui te pénètre. Donc c'est un viol et c'est un crime. Hein, donc c'est très grave. Qu'est-ce qui se passe après ? Toi, tu ne le quittes pas ? Tu essaies d'en discuter avec lui ? Ça va revenir, hein. C'est un téléphone qui coupe toutes les 10 secondes. T'es là ? En fait, je me suis braqué. Oui, je suis là. D'accord. En fait, je me suis braqué. Ouais. Il y a de quoi ? Voilà. Vas-y. On n'en a pas parlé, mais j'ai pas envie de le quitter parce que je l'aime, en fait. Eh oui, tu l'aimes, mais tu aimes quelqu'un qui te traumatise et qui te viole. Et qu'est-ce qu'il te dit ? Vous en avez reparlé depuis ? Non, on n'en a pas reparlé. Non, mais du coup, les fois suivantes, est-ce que tu as exprimé à chaque fois vraiment de manière importante ? Non, je faisais rien, je faisais l'étoile de mer. Ah, ouais, évidemment. Bah, tu sais, d'abord, c'est pas comme ça que toi tu vas prendre du plaisir. C'est contre-productif pour avoir un accès à sa propre sexualité, à son plaisir, à son orgasme. Et puis ensuite, là, tu l'autorises à recommencer, à continuer à faire l'étoile de mer. Là, tu subis tout ça. C'est pas du tout la fonction de la sexualité. C'est là pour prendre du plaisir. Il faut que tu lui dises non et que tu lui fasses comprendre que non, toi, tu as des valeurs qui sont les tiennes, il les connaît, tu ne veux pas que ce soit avant le mariage, c'est comme ça, ça se respecte, le consentement... Trop, je veux pas le perdre. Mais tu vas pas le perdre, c'est oui, je comprends, beaucoup de femmes qui se font violer par leur mari sans consentement conjugal, ont peur de ça. Oui, mais je l'aime, oui, mais ça va être mon mari, oui, mais je vais passer ma vie avec. On est d'accord. Moi, je veux juste qu'il se reconvertisse pour qu'on puisse se marier. Tu veux qu'il qui devient musulman pour que je puisse l'épouser. Et lui, il va le faire ? Ben non, en fait, à chaque fois, il fuit le sujet. Ah oui, c'est encore une autre question, mais même en dehors de... C'est encore un autre sujet. Oui, c'est encore un autre sujet, qui est évidemment pas simple. Mais au moins, déjà, sur la pénétration, tu n'y prends pas de plaisir. J'espère que c'est pas douloureux, mais ça peut l'être en plus. Enfin, c'est vraiment, tu vas rentrer dans un cercle vicieux à ne pas avoir envie de le faire parce que ça n'est pas bien, parce que c'est pas consenti, et tu vas avoir toute une sexualité et toute une vie avec lui qui va pas être épanouissante et qui va pas être bonne du tout. Donc il faut pas que tu le laisses continuer. Tous les soirs, franchement, j'en souffre. Tous les soirs, je pleure. Ah oui, enfin, tu vois, c'est pas une vie. Tous les soirs, c'est horrible. Mais j'arrive pas, en fait, à me détacher de lui. Mélissa, tu vis un drame, là. Et alors, franchement, ce qu'il faut que tu comprennes bien, Mélissa, c'est que là, t'es une victime dans cette histoire. Hein, et que... tu parles d'amour, moi je vois pas d'amour. Je vois quelqu'un qui abuse de toi. Je sais pas ce que t'en penses, Alice, si toi aussi t'es choquée par... Bah oui, ça me choque parce que je trouve que Mélissa, tu t'oublies tellement dans cette histoire. Tu dis oui, mais j'ai peur de le perdre. Donc en fait, tu mérites quoi, toi? Tu te traites comme de la merde, lui il te traite comme de la merde et tu le laisses faire parce que t'as peur de le perdre. Mais c'est ça que tu veux, en fait, une relation avec un mec que tu aimes, mais qui finalement, lui, ne te le rend pas de la même façon. Quand on aime quelqu'un, on le respecte. Tu vois, lui, il te respecte pas. Et tu penses que ça va t'épanouir comme ça? Tu penses que la solution, c'est le mariage avec quelqu'un qui, bah, les jours où tu n'auras pas envie de lui, te forcera? C'est peut-être pas ça l'idée de l'amour que tu as envie. C'est pas un mec bien, hein, franchement. Il a une emprise sur toi, en fait. Et du coup, tu n'as pas envie de le décevoir, tu as peur de ça, tu as envie d'aller toujours dans son sens. Et tu veux toujours. J'ai toujours envie de lui donner raison, en fait. Oui, et tu veux toujours être parfaite à ses yeux. Tu veux être parfaite à ses yeux au point de faire tout ce que lui veut, mais que dont toi, tu n'as absolument pas envie. Et à un moment, il faut vraiment que tu penses à toi. C'est grave ce que tu vis, mais tu as tellement l'habitude, là, tu t'es tellement dedans que tu t'en rends pas compte que c'est vraiment très, très alarmant comme situation. Et c'est pas sain. Et c'est pas aimer quelqu'un que de lui faire l'amour quand la personne est en train de te supplier, en train de pleurer. Tu te verrais, toi, faire ça à la personne que tu aimes? Non. Tu penses que c'est l'amour que tu as envie de recevoir de quelqu'un? Il faut que tu te protèges de lui. Tu sais que tu pourrais avoir du bonheur, du plaisir, de la joie et vivre en étant amoureuse dans une relation où la personne te respecte, t'aime et où c'est fluide et où il n'y a pas tout ça. Là c'est pas une relation épanouissante. C'est un danger pour toi, là, en fait, ce mec-là, mais tu te rends pas compte parce que t'es totalement amoureux de lui, quoi. Amoureuse de lui, c'est dommage. Bon, Mélissa, tu vas rester avec nous. On va revenir dans un instant. Il y a beaucoup de réactions, beaucoup d'appels, beaucoup de personnes qui sont choquées. Hein. Franchement, et il ne te respecte pas, Mélissa. Alors, c'est terrible en plus parce qu'il y a le numéro de téléphone du fameux mec de Mélissa. Alors, j'imagine que tu veux pas qu'on l'appelle, qu'on lui parle pas. Non. Mais ça me démange. Non, mais ça sert à rien. Ça peut que aggraver la situation, l'énerver. On va pas l'appeler parce qu'on n'est pas là pour faire du spectacle. Faut le fuir. Hein. Mais on pense surtout à vous, hein, dans cette histoire. Donc, Mélissa, tu restes avec nous. De toute façon, on restera en contact, hein, ensemble, hein, surtout si tu souffres, tous les soirs tu pleures. Enfin, c'est dramatique, on cette est là. Histoire. Pas possible. Vous restez avec nous, on vient avec Feder sur Fun Radio. Vous pouvez réagir, hein. Vous aussi, hein. Venez sur Fun Radio pour dire ce que vous en pensez. 01 42 48 5000, à tout de suite. À 7h10 et 8h10, Bruno paye vos factures. Allô? Allô, Annika? Oui, bonjour. Bruno dans la radio. Oh, c'est trop bien. Tu m'as envoyé une facture de 245 €. De quoi s'agit-il? Ce sont des billets de train pour faire Lille-Perpignan. L'an dernier, mon chéri a été muté à Lille. On a fait un remake de Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais. Et du coup, maintenant, on habite dans le Nord alors qu'on est originaire de Perpignan. Mais j'adore, moi, j'adore le Nord. Annika, je te paye ta facture. Oh, merci. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah c'est toi, Adrien. Ah cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Party Fun 2019, la compile événement avec Offenbach, Soprano, Maître Gims, Aya Nakamura, Dua Lipa, Koons, The Prince Karma, Martin Garrix, Loud Luxury. Le meilleur du son dance floor est sur Party Fun 2019. Du sexe, de l'amour et du fun. La fun. 22h minuit. Sur Fun Radio. Got a melody I'm trying to find the words to put things in reverse. If you could see what I see, you could, then you know just what you are. You're everything I want, you're everything that I want. Baby, go talk the way you're not supposed to. Your body can do the rest, you know it. And if you need a little mind vacation, press your cheek against my chest. When I'm with you, I lose control. Feder, c'était le nouveau Feder Control sur Fun Radio. Hello. 01 42 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc. 22h minuit sur Fun Radio. N'oubliez pas que pendant tout le week-end, vous allez pouvoir réentendre les émissions de la Vine Fun, hein, en mettant replay, streaming, bien sûr, sur l'application Fun Radio ou alors directement sur le site funradio.fr. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de Love in Fun. On vous met plein de vidéos de nichons victimisés dans un sexy chocolat. Hein, il y a également cette vidéo de Mehdi qui avait annoncé à sa maman qu'il avait pris sa carte bleue pour acheter un abonnement d'un an à un site de cul. Hein, et quand maman l'a appris, elle n'était pas hyper contente. Non mais c'est vrai. Et alors, depuis quelques minutes, on est en direct avec Mélissa. Mélissa qui nous raconte un petit peu le drame qu'elle vit au quotidien. Voilà, tu nous as expliqué que par rapport à ta religion, tu ne souhaitais pas faire l'amour avec ton mec, hein, avant le mariage. Voilà, avant le mariage, c'est important pour toi. Tu nous as expliqué qu'il t'avait violé, hein, puisque toi tu ne voulais pas et lui t'a forcé et il t'a pénétré. Donc on appelle ça un viol, on appelle ça un crime. Il a retenté la chose, il l'a déjà fait deux fois, donc trois fois en tout. Et à chaque fois, bah toi tu te retrouves dans une situation où tu te sens violée, tu pleures tous les soirs. Donc t'es malheureuse, t'es triste. Et Mélissa, tu dis toujours, enfin comme beaucoup dans ce genre de situation, cette fameuse phrase, oui mais je l'aime. Mais est-ce que lui, tu penses qu'il t'aime? Oui, je pense qu'il est amoureux de moi. Ah oui, je crois que tu te trompes. Parce que quand je vais le quitter, bah, il me dit non. Ah, tu lui dis quand même ça? Parce que tu es un peu sa chose. Quand je veux le quitter, il me dit non. Bah, parce qu'il a pas envie. Il a envie que tu restes auprès de lui. Parce que tu restes un pilier pour lui, forcément. Mais c'est pas la bonne manière d'aimer quelqu'un. C'est ça qu'il faut vraiment que tu comprennes. Tu dis que j'ai envie d'être épanouie, tout ça. Mais quand on est avec quelqu'un à qui on dit j'ai pas envie de faire l'amour, je suis pas prête. Pire encore, j'ai des valeurs, j'ai une religion. Parce que c'est quand même ce que tu nous as dit. Et s'il est même pas capable de respecter ta religion. Oui, c'est ça. Et ça, c'est quand même assez grave. Et toi, tu lui as déjà dit quand même que tu voulais arrêter cette relation. Oui, des fois, on s'est déjà dit. Quand même. Elle est un petit peu coupée, Mélissa. Je voulais arrêter. Et des fois, plusieurs fois, je lui ai dit que je voulais arrêter, mais en fait, à chaque fois, il me dit non, je t'aime, c'est ma femme. Donc, tu vois, ça devient quand même à l'esprit d'arrêter cette relation parce que tu sens bien que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'es pas épanoui, tu pleures tous les jours. On ne vit pas une relation sentimentale comme ça, non, même c'est si. Bien sûr, je souffre au quotidien. Voilà. Oui, Mélissa, tu n'es pas là pour souffrir. Horrible. Qu'est-ce que tu restes avec un mec qui te viole comme ça, qui fait comme si tu étais un objet? Tu en as parlé à quelqu'un? Ma meilleure amie, c'est. D'accord. Ta meilleure amie, elle a un petit peu coupé. Et qu'est-ce qu'elle te dit, ta meilleure amie? Elle dit comme nous. Bah oui, qu'il faut que je le quitte. Bah oui, elle dit comme bien nous. Bien sûr, il faut que tu te protèges. Et c'est pas quelqu'un qui te protège, lui, ce mec-là. Tu vois? Il te protège pas du tout. Au contraire, est-ce que tu penses normal que la personne que tu aimes soit la personne qui te fasse pleurer tous les soirs, qui te terrorise, non, qui te fasse sûr. Vivre avec cette angoisse? Faut que tu te libères de ça. Est-ce qu'il te. Il y a des violences, des fois aussi? Par ailleurs? Ou verbales? Mélissa, elle a un oui. Ça a coupé. Elle a un vrai problème de réseau, Mélissa. On va accueillir Élise, 25 ans de Nancy, qui veut réagir justement par rapport à Mélissa, qu'on va rappeler là. On va la voir à l'antenne. Bonsoir, Élise. Oui, bonsoir. Bonsoir, salut. Élise. Toi, salut, l'équipe. Salut, Élise. T'as 25 ans, t'es à Nancy. On essaye de récupérer Mélissa parce que toi aussi, tu vas nous expliquer ta situation. Je crois que tu as vécu la même chose qu'avec Mélissa. Oui, un détail près, il n'y avait pas d'histoire de religion, mais c'est la même chose. J'étais avec quelqu'un qui... Alors attends, Élise, parce qu'on essaye d'avoir... Mélissa, Méloche, ce soir, on arrive à la voir ou pas? Ouais, j'essaye là. D'accord, on essaye de rappeler Mélissa. Je crois que c'est vraiment un problème de réseau. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'elle soit là quand même pour qu'elle entende ce que tu as à dire, Élise. Oui. Ce serait même plutôt bien, oui. Parce que tu t'en es sortie depuis, Élise, j'imagine. Oui, depuis peu, mais oui, on s'en sort quand même à un moment donné. On s'en sort, et c'est ça aussi qu'il faut qu'elle entende, Mélissa. On arrive à la joindre, non? On n'arrive pas. Bon, alors, Élise, raconte-nous un petit peu ton histoire. De toute façon, on aura Mélissa après, d'accord? Oui, pas de souci. Bah, j'ai vécu avec quelqu'un pendant 4 ans. C'était un manipulateur pervers narcissique. Ouais. Et malheureusement, c'est du manque de respect tous les jours. C'est une manipulation qui fait au quotidien et justement qui crée cette emprise qu'il a sur nous. Et du coup, c'est aussi des rapports pas forcément voulus, mais par peur de le perdre, par peur de ne plus être parfaite à ses yeux. On se force et on se laisse faire malgré tout. Enfin voilà, c'est juste l'enfer. Je me suis même vue devant lui à être en train de pleurer parce que les rapports forcément faisaient mal bien souvent. Ah oui. Et la seule chose qu'il arrivait à me répondre, c'est « ça m'excite quand tu pleures ». Donc ça va très très loin, quoi. Ah ouais. Et tout ça sous couvert d'être amoureuse. C'est ça. J'ai beaucoup supporté l'emprise. Dans ces cas-là, elle va très très loin. Parce que il était déjà avec quelqu'un au départ, il m'a fait poireauter. Et au moment où il s'est séparé de cette première fille, en fait, dès le lendemain, il s'est mis avec une autre, mais sans que je le sache. Et en fait, il a mené des doubles vies en permanence. Mmh. Et cette fille-là m'a contactée, et on a eu une de ses ex encore, donc c'est un peu une histoire de fou, mais on a une de ses ex, pareil, au téléphone, qui a vécu la même chose pendant des années et des années. Et c'est incroyable, en fait, ce qu'il arrive à faire. Ce que certains hommes ou femmes, parce que c'est également le cas pour les femmes, arrivent à nous faire sous prétexte qu'on est amoureux, sous prétexte bah il faut que tu fasses comme ça, sinon en gros je t'aime plus. Enfin, ils nous le font sentir, ils nous le disent pas, mais ils nous le font sentir, quoi. Oui, donc c'est vraiment atroce, quoi. Des traits de personnalité qui arrivent à faire que en face on réagisse exactement de la manière dont ils veulent. Et comment ouais, tu t'en es sorti? Exactement ça. Et ben c'est justement avec cet ex en particulier qui a vécu la même chose. On s'est liés d'amitié d'ailleurs aujourd'hui et on en a beaucoup beaucoup discuté et après bah, c'est aussi un gros travail à faire sur soi et à se faire violence et se dire que certes perdre cette personne sur le moment c'est très très dur parce qu'on a l'impression de n'être plus rien en fait quand on n'est plus avec, mais que derrière il y a une énorme liberté en fait. C'est vraiment on se sent libre, on se sent à nouveau nous-mêmes, on se retrouve plus à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est juste le bonheur en fait après ça, quoi. Mais en fait, t'es pas restée toute seule. C'est parce que t'en as parlé effectivement à cette ex également, et c'est que tu oui, as oui, trouvé oui. une après, force à côté. Beaucoup de personnes de mon entourage voyaient bien ce qui se passe, hein, parce que j'avais le droit aussi à des insultes tous les jours. T'es une pute, t'es une salope, enfin, putain, voilà, même ce en public. Genre de choses. Ouais. Alors non, parce qu'ils sont très malins, ils voilà, le font pas ça. En public. Oui. Voilà, donc non. Après, moi, c'est ce que je racontais. J'ai une de mes copines qui l'a quand même vue à un moment donné. Et du coup, mon entourage essaie de m'ouvrir les yeux, mais c'est très compliqué parce que ils nous rendent tellement dépendants d'eux. En fait, c'est même plus de l'amour qu'on a pour eux, c'est de la dépendance. Bien sûr. Et on est tellement dépendants qu'au final, on a peur de se retrouver sans rien, en fait. C'est ça, ouais. C'est la manipulation. Tu n'existes que par lui. C'est exactement ça. Ouais. Et heureux en tout cas que tu t'en sois sorti, Élise. Oui, je pense que tu peux être une aide pour Mélissa, pour lui dire comment s'en sortir. Alors, ce qu'on va faire, oui, parce que là, on n'arrive plus à joindre Mélissa. Je pense qu'elle avait un vrai problème de réseau, Mélissa. Et moi, ce que je te propose, Élise, parce que on va pas laisser Mélissa comme ça dans cette situation-là. Oui. Et comme on le fait souvent, il y a aussi un travail hors antenne, hein, puisqu'on on gère aussi hors antenne. Et est-ce que tu serais d'ailleurs d'accord, Élise, peut-être pour avoir Mélissa hors antenne, au téléphone, pour voir aussi lui expliquer un petit peu comment est-ce que toi tu as vécu ça et comment tu t'en es sorti, quoi. Ouais, il y a pas de souci. Ouais, si je peux aider, il y a aucun problème. Eh ben non, mais merci. Voilà, que ça serve un petit peu justement tous tes conseils vu que toi tu as vécu exactement la même chose et ça ressemble, hein, il y a de la manipulation et c'est vrai, mais et je l'amour. L'aime, c'est l'amour quoi, mais l'amour n'excuse pas tout quoi. Non, bien sûr, il faudrait porter plainte hein et pour viol, mais évidemment genre de partenaire de femme c'est ne le font pas très compliqué. Mais bien sûr, je sais. On a beaucoup de conseils derrière, beaucoup de répercussions fait. Donc on préfère s'isoler, s'éloigner et ne rien dire et souffrir, et faire sa vie de son côté en fait. Ouais. Ben, je te remercie beaucoup, Élise. Et donc, si tu nous le permets, on va donner ton numéro de téléphone à Mélissa. Vous allez pouvoir vous parler un petit peu hors antenne. Et on va essayer de rappeler Mélissa là très très vite pour prendre de ses nouvelles aussi à l'antenne. Merci beaucoup, Élise. De rien, bonne soirée à toute l'équipe. On t'embrasse très fort et merci pour ton témoignage. Merci d'avoir décroché ton téléphone. C'est toujours un acte fort hein, de prendre le téléphone, de nous appeler. Moi aussi j'ai envie de raconter mon histoire parce que c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Je m'en suis sorti. Exactement, et je m'en suis sorti, t'as raison Doc. Merci encore Élise. On va se faire pour finir l'émission une question à la con. C'est parti. La question à la con de Love in Fun sur Fun Radio. C'est Samy, 25 ans de Paris qui est avec nous. Bonsoir mon Samy. Salut mon Carrel. Dis donc, t'as un petit chat dans la gorge, t'as une petite voix enrouée, une petite maladie là toi? Absolument pas. D'accord, ok, juste un petit glavio au fond de la gorge. Alors, mais non. Alors Samy, t'avais une question à la con? Absolument. Très bien, nous t'écoutons Samy. Est-ce que si je colle ma bite sur le front de ma meuf, ça devient une licorne? Alors, déjà, moi j'ai une première question, Doc. Cette légende comme quoi les licornes existent, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Dans notre monde à nous, personne n'en a vu. Personne n'en a vu. Ah, on en a vu tout l'été. Les bouées licornes. Oui, mais j'ai vu un article comme quoi il y avait finalement quand même des animaux qui ressemblaient étrangement à des licornes. Bon, bien sûr, pas aussi mignonnes. Chez les dinosaures. Voilà. Pas aussi mignonnes que celles qu'on en a fait avec leurs cheveux multicolores, mais voilà quoi, ça se rapproche quand même d'un animal qui fut un temps à exister quoi. Ah, alors ça c'est une bonne nouvelle, parce que moi je suis persuadé que ça existe. Encore maintenant? Bah bien sûr, bien sûr les licornes. Oui, et puis le Père Noël va te ramener tous tes cadeaux cette année. Et Samy. Oui, Carrel. Samy, d'où te vient cette question à la con? Ça sent. Ah bah écoute. Ça sent le mec. C'est des questions que je me pose. C'est des questions que je me pose tout au long de la journée. De toute façon, la licorne, c'est trop difficile à faire. Je veux dire, tu peux pas poser ta bite de façon à ce que, à la limite, tu peux faire un dindon avec tes couilles. Mais la licorne, sinon, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Alors, couper ta bite, ça va quand même. Tu la coupes et tu la coupes. On sent qu'Ali, ça fait des soirées un peu mouvementées, où à la fin, tu te retrouves avec une top sur la tête. Moi, j'adore les animaux, moi. On embrasse tous tes amis animaux, Alice. et Samy, on te remercie beaucoup pour cette question à la con. Merci à vous toute l'équipe, Doc, t'es trop sympa et Alice, t'es génial. Et Carrel, et tu vas te faire foutre. Merci. Avec son téléphone de merde. Tu sais quoi, Samy, je te raccroche à la gueule, tu m'as saoulé, allez dégage. Salut. Tu sais quoi, moi je ne raccrocherai jamais à la gueule des auditeurs. Parce que je t'aime, faire, Samy. Moi. Ouais, vas-y. Salut, mon Samy. Salut. Ciao. Salut, dégage. Allez. Merci beaucoup pour cette soirée qu'on a passée avec vous. En tout cas, c'était vraiment super cool. On va se retrouver dimanche soir. Dimanche soir de 22h à minuit. Je rappelle les Rennais, les Rennaises. Love in Fun débarque chez vous. Lundi soir, on fait l'émission en direct de Rennes pour le Christmas Tour. On vous invite à voir cette émission, à assister à l'émission. Il y aura aussi des cadeaux à gagner pour ceux qui seront dans le public. Il y aura un iPad Pro à gagner. On fera des jeux. Franchement, on va faire les cons là-bas. Enfin, même clair. Cas. J'ai le droit de dire des trucs ou pas? Non. Ça, un petit il machin. Il paraît que je vais affronter quelqu'un pour faire une galette saucisse. Ça fait rêver. Hein. À moi, le breton. Non, mais sans déconner. Mais il n'y a pas que ça. Ah bah non. Il n'y a pas que ça. On va pas tout dire. Restez bien avec nous. Soyez là, lundi soir. Et peut-être même que je vais goûter ta galette saucisse. Oh teasing. Est-ce qu'il va pas passer un bon week-end, Karel, hein? Avec cette petite galette saucisse avalée par Alice. Ça fait plaisir. Non, j'ai pas dit que j'allais l'avaler. Hein, Party Fun spécial DJ Max ce soir avec Brooks. C'est animé par Adrien Thomas. Brooks, c'est bien sûr le DJ néerlandais que vous adorez. Et c'est parti jusqu'à 1h du mat. Party Fun sur Fun Radio. On vous souhaite une excellente nuit. On se retrouve dimanche soir en direct sur Fun Radio de 22h à minuit. Ciao. Salut. Minuit. Les meilleurs DJ sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. WNW, Nicky Romero, Don Diablo, Bob Sinclair, Oliver Eldon, Riyab, Dead Mouse, Simi Trumpet, Jonas Blue, Lucas Enstein, Sonny James et Ryan Marciano, Nervo, Florian Picasso, WNW, Nicky Romero, Jonas Blue, Bob Sinclair, Oliver Eldon, Riyab, Dead Mouse, Simi Trumpet, Sonny James, Florian Picasso. Party Fun. Et ce soir, c'est Party Fun, spécial DJ Mag, avec le mix de Brooks. Bonsoir à tous et bienvenue sur Fun Radio, c'est Adrien Thomas. Party Fun by DJ Mag France, comme une fois par mois. Et ce soir, pendant une heure, DJ Mag a invité Brooks. C'est un pote de Martin Garrix, c'est un pote de David Guetta, c'est un DJ qui est en train de monter. Franchement, je pense que 2019, ça va être son année à Brooks. On y va tout de suite, c'est lui qui a fait le morceau Like I Do. Avec David Guetta et Martin Garrix, justement. C'est un des gros producteurs dont vous allez entendre parler dans les prochains mois. Brooks, au platine de Party Fun. C'est jusqu'à 1h du mat sur Fun Radio. Bonne soirée. Keep pulling.